Et il a un design très particulier qu'il faut respecter. Et puis il y a cette sphère qui est dorée forcément, qui attire l'œil. Mais en tout cas, la seule différence avec le trophée que remporteront les lauréats qui pourront emporter et garder chez eux à vie, c'est qu'il n'est pas gravé avec le nom du vainqueur et l'année de l'édition. Et donc ma deuxième question, est-ce que c'est ce ballon d'or que va soulever le futur 20h et qu'a soulevé l'année dernière Karim Benzema? C'est exactement le même, mais ce sera peut-être pas celui-ci. Il y a souvent un ballon d'or qu'on emporte, comme ici, comme on vient à Marseille. On va aussi aller dans d'autres villes de football, à Lens vendredi, à Saint-Étienne lundi, et peut-être même à l'étranger la semaine prochaine. En tout cas, oui, ça sera le même poids, c'est le même design, et celui qui le soulèvera aura juste une gravure avec la saison de son titre et son nom. Bon, donc c'est le vrai en réalité qui est bien ça. Là, on a bien compris, même s'il existe plusieurs exemplaires. Dernière question, combien ça vaut? Combien vaut le ballon d'or? Ça, je peux pas vous le dévoiler pour des raisons de sécurité, de contrat, mais forcément, ça coûte un peu. C'est pas 100 euros. C'est ce chiffre à plusieurs chiffres parce qu'il y a de la pierre précieuse, parce que c'est un objet qu'on met des heures à sculpter et donc qui est à la fois précieux, qu'il faut protéger là quand on est venu de Paris, parce que le moindre petit choc peut occasionner des rayures et des taches. Alors justement, est-ce que comme la Coupe du Monde de football, la Coupe du Monde de rugby en ce moment en France, est-ce que du coup son étui en quelque sorte est particulier, et est-ce qu'il est par rapport à son prix justement est-ce qu'il voyage sous très bonne escorte, et sous quel type d'escorte? Il est protégé, il est... Il veut tout savoir. Hein. Oui, bah c'est le but d'un journaliste. Hein. Je pense que ça intéresse aussi les... Ah, ils sont pénibles, les auditeurs. Non, il faut forcément le protéger pour pas qu'il ait un coffret. Il faut qu'il soit... Il y a aussi un petit peu de papier bulle, de cellophane pour pas qu'il bouge durant le transport. Il est surveillé. Donc il peut y avoir, comme vous dites, une forme d'escorte et de personnes qui le surveillent discrètement parce qu'il a une valeur et que évidemment, on le protège. Merci beaucoup. France Football donc avec nous, le journal La Provence également, la ville de Marseille avec son adjoint au sport Sébastien Gibrayel. On se retrouve dans un instant, et l'immense Jean-Pierre Papin qui nous a accordé une interview. Voilà notre ballon d'or de retour ici dans le staff de l'Olympique de Marseille. On l'entendra dans un court instant sur France Bleu Provence. À tout de suite. Le retour de l'infotrafic avec toujours du monde sur l'A57 quand vous êtes en direction de Toulon. Ne vous oublie pas, vous qui êtes sur la route bien sûr, et vous restez à l'écoute de France Bleu Provence. Sur le Var dans l'ensemble, ça roule. Ensuite, nous avons du monde donc sur l'autoroute Nord quand on quitte Marseille, ou en arrivant sur le secteur des Pennes Mirabeau et de Plan de Campagne en descendant sur Marseille, tout comme à la hauteur du tunnel des 13 Ventres, les Pennes Mirabeau et Septem les Vallons. La D9 qui coince un peu quand on arrive sur Aix-en-Provence, sur le reste des Bouches-du-Rhône, ça roule. Vous restez à l'écoute de France Bleu Provence. Prochain point infotrafic à 16h30. L'infotrafic 100% local avec le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Le département vous aide à financer la rénovation énergétique de votre logement. Rendez-vous sur département13.fr. France Bleu Provence. Les Pink Floyd sur France Bleu Provence, que nous écoutons tout de suite. Et si vous aimez le football, vous pourrez rester avec nous aussi pour le 100% OM pour gagner des invitations entre l'Olympique de Marseille et Lyon tout à l'heure. Pink Floyd sur France Bleu Provence. Belle fin de journée depuis Marseille, on vous le rappelle. On vit avec le Ballon d'Or, voilà, qui a trouvé sa place ici à Marseille, capitale du football, on vous le prouve. Tous les Marseillais peuvent venir nous retrouver juste à côté du Vélodrome. Nous sommes en direct jusqu'à 19h. Et venez faire le selfie auprès du Ballon d'Or, là, qui est bien gardé en ce moment. On vous raconte toute l'histoire finalement du football, de celles et ceux qui se sont vus décerner ce Ballon d'Or, parmi lesquels une légende marseillaise, Jean-Pierre Papin. Bonjour Jean-Pierre Papin. Bonjour. Noël, chaque année, c'est le 25 décembre, on est d'accord. D'accord. Vous, c'était le 12 décembre à cette époque, c'est ça? C'était Noël, oui, effectivement. Quand on vous appelle, racontez-nous ça. Ah, mais quand on m'appelle, c'était même un petit peu avant, puisqu'il fallait faire les préparatifs, les photos, etc., l'interview qui serait diffusée quelques semaines après. Dans France Football? France Football. Et en fait, quand on m'a appelé, j'y croyais pas du tout. Tout simplement parce que, d'abord, j'ai jamais joué pour avoir un Ballon d'Or. Moi, j'aurais préféré avoir un soulier d'or, ça, c'était plus dans mes cordes. C'est le titre de meilleur buteur, en gros, c'est ça que vous voulez dire. C'est voilà. Ce qui récompense, le trophée qui récompense celui qui marque le plus de buts. En Europe. Voilà. Alors, moi, j'aurais préféré un soulier d'or. Après, quand on m'a dit t'es ballon d'or, je me suis dit que c'est important. Mais en fait, pas plus que ça. Jusqu'à temps qu'on vienne à la maison me le montrer, j'ai eu du mal à croire, en fait. C'est quand même exceptionnel. Même plus de 30 ans après, là, on est bien évidemment 32 ans après, vous vous dites quand même, faire partie des 5 Français, à l'époque vous êtes le 3e, après ouais. Copa et Platini, c'est quand même énorme. Ben, ce qui est énorme, c'est que, en fait, t'es pratiquement considéré comme le meilleur joueur du monde. Et se dire dans la vie, on a été une fois meilleur joueur du monde, c'est juste exceptionnel. Vous dites, je ne m'y attendais pas. Mais vous le méritiez ou pas sur le moment? Que pensiez-vous à l'époque de tout ça là? Sur la saison, je le méritais parce que on avait été loin en Coupe d'Europe, en équipe de France, on avait été exceptionnel. Qualifié pour l'Euro 92. Voilà. Quand vous parlez de loin de Coupe d'Europe, c'est la finale perdue voilà. À Paris face à l'Étoile Rouge avec l'OM. Ensuite, on est champion, on fait la coupe, la finale. Bon, c'était une saison pleine. Après, c'est sûr que à l'époque, les critères étaient complètement différents. À l'époque, je trouve que c'était plus la qualité du joueur qui avait été mis en évidence. Alors que maintenant, il y a plein d'autres critères qu'on a du mal à comprendre, même de temps en temps. Mais quand j'ai reçu ce ballon, ce jour-là, ça a été exceptionnel. Y pensez-vous encore souvent? Le regardez-vous souvent, ce ballon d'or qui est chez vous, Jean-Pierre Papin? Quelle relation avez-vous avec lui? Je le prends partout où je vais. Je le regarde tous les jours. J'essaie de le toucher tous les jours. Parce que... C'est mon trophée, c'est le trophée d'une carrière. Et celui-là, il est tellement rare que pouvoir le regarder tous les jours, c'est déjà un privilège. Mais à chaque fois avec émotion? T'es obligé, parce que chaque fois que tu le vois, tu penses à tout ce qui s'est passé cette année-là. Et cette année-là, sincèrement, ça a été magique. Entre nous, les joueurs, ça a été magique. Nos résultats ont été exceptionnels. Bien sûr, on aurait aimé plus. Mais malheureusement, on n'a pas pu aller au bout. Quand vous dites « on aurait aimé plus », c'est le titre de champion d'Europe en 91, probablement, à vous parler de ça. Moi, celui-là, c'est celui qui me reste en travers de la gorge le plus, parce que c'est celui-là où on avait tout pour. Et il a fallu juste que contre cette équipe de l'Étoile Rouge, qui était une très très forte équipe. Mais ce jour-là, le regret, c'est qu'on n'a pas joué comme on avait joué d'habitude. C'est tout. Du coup, vient ma question entre guillemets à la con, Jean-Pierre Papin. C'est vous l'échangeriez ce ballon d'or contre le titre de 91 de champion d'Europe avec l'OM là? Ouais, vous l'avez peut-être déjà posé cette question? Ouais, volontiers. Non, on ne l'a jamais posé, mais volontiers, ouais. Pourquoi? Parce que la Ligue des Champions, c'était notre rêve à tous. Et on avait ça en commun de vouloir apporter ça à Marseille. Nous a pas manqué grand-chose, mais on n'est pas revenu avec. Et ça manque un peu à mon palmarès ici. Vous le dites, et c'est assez intéressant, quand vous parlez du Ballon d'Or, vous dites « Moi, ce qui m'intéressait aussi à l'époque, c'est que collectivement, il y a quelque chose et qu'on gagne quelque chose. » Alors que c'est une récompense individuelle, le Ballon d'Or. Et comment, à l'époque, vos équipiers, vos amis du vestiaire l'avaient pris, cette récompense individuelle pour vous? Quel avait été votre accueil après? Comment ça s'était passé? Ah, ils étaient tous ravis pour moi. Tous ont été unanimes sur le fait que je l'avais mérité. Mais moi, je trouve que c'est un trophée qu'on peut pas vouloir au début d'année, qu'on ait envie d'espérer l'avoir. Parce qu'il y a tellement de paramètres qui sont importants à côté que dire je vais être ballon d'or, c'est un peu présomptueux. Parce que on peut pas dire je vais être ballon d'or. On devient ballon d'or. On devient ballon d'or parce que en championnat on est bien, parce qu'on joue dans une grande équipe, parce qu'on joue en équipe nationale, parce qu'on joue en Ligue des Champions et parce qu'on est bon. Alors celui qui dit au départ de l'année je vais être ballon d'or, c'est un peu présomptueux. Parce que si t'as pas un quart du reste, tu peux pas l'avoir. Mais il y en a qui le disent, ça, ou il y en a plutôt qui disent « je souhaite être Ballon d'Or ». Non, il y a beaucoup qui disent « mon rêve, c'est d'être Ballon d'Or ». Alors, mon rêve, c'est une chose, mais j'ai entendu en début de saison, d'ailleurs, moi, je veux être Ballon d'Or cette année, mais quand tu joues pas dans les grands clubs, tu peux pas être Ballon d'Or. Ou alors, faut que tu sois au-dessus de tout le monde pendant toute une année. Mais tout seul, tu peux pas l'avoir. S'il n'y a pas tes collègues, si c'est pas possible. C'est pas possible. Les paroles de Jean-Pierre Papin, interview exclusive donc au micro de Bruno Blanza. Toute sa surprise d'avoir reçu ce fameux Ballon d'Or qui est devant nous en ce moment en direct depuis Marseille. Merci beaucoup Jean-Pierre Papin, que l'on retrouvera dans un court instant, cette fois-ci où il va nous parler des supporters marseillais qu'il connaît mieux que personne. À suivre sur France Bleu Provence également la réaction des Marseillais qui nous ont rejoints ici, qui ont une admiration j'imagine sans borne pour le grand Jean-Pierre Papin, pour ses papinades, tous ses souvenirs, les grandes années de l'OM, bien entendu. Il lui manquait qu'un titre finalement, le plus important. Mais ça, on en parle dans un instant avec ses fans qui sont ici réunis. A tout de suite. France Bleu Provence, France Bleu Provence, en direct du Stade de l'Or. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, oh, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie ? Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Rendez-vous ce week-end sur le salon Artemisia au Parc Chanot à Marseille. Rencontres, échanges et découvertes en présence de 180 exposants, experts et passionnés de la bio, du bien-être et de l'habitat sain. Un salon interactif avec des conférences, des ateliers bien-être et des animations créatives. Obtenez votre entrée gratuite sur salon-artemisia.com. Message de prévention de la ville de Marseille. Soyez prêts pour faire face aux risques naturels et technologiques. À l'occasion de la Journée nationale de la résilience, inscrivez-vous au système d'alerte de la ville de Marseille. Vous serez prévenu en cas d'événement majeur afin d'adopter les bons réflexes et être informé de la situation. Retrouvez toutes les informations sur l'inscription en ligne au système d'alerte sur marseille.fr. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Provence, ici, on parle d'ici. Avant de rejoindre la pelouse du Stade de l'Or en direct sur France Bleu Provence, les conditions de circulation sur Aix-en-Provence avec la D9 qui coince sur 2 km pour entrer sur l'A51. Nous avons du monde ensuite à la hauteur de Plomb de Campagne en descendant sur Marseille, à la hauteur du tunnel des 13 Vents dans le secteur des Pennes Mirabeau et de Vitrolles. Quand vous quittez Marseille par la Rocade L2, vous serez ralenti en remontant jusqu'à l'hôpital Nord. En arrivant sur l'A55 sur Marseille, ça roule, tout comme sur la Corniche d'ailleurs, qui est toujours en travaux, mais le point de vue est magnifique. En ce moment, la mer est dégagée et ça souffle fort d'ailleurs sur le littoral marseillais. Sur la 50 en direction d'Aubagne, tout roule ce soir. Hein. C'est un mercredi tranquille, on ne s'en plaindra pas, et ce, dans les deux sens. Sur Toulon, c'est la 57 par contre qui coince bien, là aussi sur la métropole toulonnaise, et ce, dans les deux sens, à la hauteur de la Valette et de la Garde. Sur la 50, ça roule quand on arrive sur Toulon. Ce soir, il y aura des fermetures également d'autoroutes. On fait le point tout de suite avec vous, Cédric Frémy. Et il y a encore beaucoup, beaucoup d'autoroutes fermées ce soir et cette nuit. Ce qu'il faut retenir, c'est que les tunnels Joliette et Vieux-Port en direction d'Aubagne, Saint-Charles à Marseille, tunnel de Toulon dans les deux sens fermé. L'A7 pour quitter Marseille fermée entre Saint-Charles et les Pennes Mirabeau et du coup la L2 à partir de La Rose. L'A50 fermée en direction de Marseille entre La Ciotat et la fin de l'autoroute à Marseille. Ou encore l'A52 entre Belle-Codène et la jonction avec la 8 en direction d'Aix et Nice. Plus des échangeurs Aubagne, La Ciotat, La Valette, Toulon, Pierre Ronde, etc. Donc vous avez tout le détail sur francebleu.fr/Provence. L'infotrafic 100% local avec le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Le département vous aide à financer la rénovation énergétique de votre logement. Rendez-vous sur département13.fr. France Bleu Provence, France Bleu Provence. Spécial Ballon d'Or, Laurent Menel. et toute l'équipe de France Bleu Provence sur le terrain, l'équipe qui vous accueille d'ailleurs. Si vous nous écoutez, si vous n'êtes pas trop loin du Stade de l'Or, juste à côté du Stade Vélodrome, c'est tout un symbole. Le Ballon d'Or est là, on vous le présente. Venez faire une photo, venez rencontrer aussi les personnalités que nous avons invitées sur la pelouse. D'ailleurs, on retrouve Fred Chapuis, interview exclusive de Jean-Pierre Papin avec nous. Vous faites réagir le public et les supporters marseillais. Et oui, je suis Laurent avec Jordan, 22 ans. Bonjour Jordan. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Provence. On parle de Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or 91, sous le maillot de l'OM, unique joueur français Ballon d'Or avec un club français, et c'est l'OM. Quel souvenir de Jean-Pierre Papin ? Moi, je garde un souvenir. Bon, j'étais pas né, mais je regardais quelques vidéos de lui. C'était un joueur qui a fait aimer les supporters. Il a fait grandir l'histoire de l'OM et c'est le joueur à avoir gagné Ballon d'Or. On l'oublie pas. Il reste dans nos cœurs. Et allez, Jean-Pierre Papin et aussi Zidane qui a gagné Ballon d'Or. Oui, c'est l'autre fierté marseillaise. Zizou sous le maillot de Ballon d'Or, sous le maillot de la Juve. Oui, c'est ça. C'est exceptionnel. On parle aussi de Zidane, propre entraîneur de l'OM. Si on se fait racheter par Arabie Saoudite, pourquoi pas? Moi, je suis pour. Hein. Bon, Laurent, vous voyez, même le Ballon d'Or, quoi qu'il arrive, on parle de l'OM, on parle de Zizou et pourquoi pas un joueur entraîneur. On n'y est pas encore. Juste, Jordan, nous dire, vous m'avez dit tout à l'heure, ce soir, je vais bien dormir. Pourquoi vous m'avez dit ça? De le voir en vrai, c'est une expérience à vivre. C'est la première fois que je le vois en vrai. C'est pas pareil qu'à la télé ou quoi. Donc oui, je vais bien dormir et je suis très content d'avoir vécu cette expérience. C'est une émotion particulière, c'est ça? C'est ça, c'est une émotion particulière. Qu'est-ce qu'on ressent? Beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté. Et c'est un honneur de l'avoir vu de près, d'avoir pris une photo avec le Ballon d'Or. Oh ben voilà, Jordan, très ému, on vous sent très ému, très touché. Jordan, 22 Merci ans, Jordan. Qui parlait à la fois de Jean-Pierre Papin, de Zizou et évidemment des beaux rêves qu'il va faire ce soir. Merci beaucoup Jordan, bonne journée. Merci à vous, allez l'OM. Oui, on ne les oublie pas, le retour de l'OM le week-end prochain, bien sûr avec le déplacement à Nice, avec l'AEK Athènes aussi, ce sera le prochain match au Vélodrome. Des invitations pour le choc entre l'OM et Lyon aussi seront en jeu ce soir entre 18h et 19h. Sébastien Gibrael, l'adjoint sport de la ville de Marseille. Jean-Pierre Papin, Ça illustre quoi? Toute votre enfance, toute votre jeunesse, toute cette folie aussi olympienne? Ah oui, c'est que des très bons souvenirs. C'est vrai que moi, c'était vraiment dans la période où j'avais 10 ans. Donc, comment ne pas oublier Jean-Pierre Papin, tout ce qu'il a fait dans ce club, tout ce qu'il a permis d'apporter en termes de buts. Et puis voilà, le palmarès aussi d'avoir eu le Ballon d'Or qui est aujourd'hui à Marseille. C'est une fierté. Il a rendu les Marseillais fiers. Et voilà, donc on garde tous des bons souvenirs de ce joueur. Alors, pour mesurer quand même l'impact du Ballon d'Or 91, Jean-Pierre Papin, qui aurait pu d'ailleurs encore plus étoffer cette année-là son palmarès, puisque l'OM a été à deux doigts de réussir un triplé historique, on en parlera tout à l'heure avec nos invités. Mais j'ai re-regardé le palmarès de 91. On peut peut-être se tourner vers vous. Emmanuel Beaujean, pour France Emmanuel, Football, face à Fred Chapuis. Est-ce que vous en souvenez le palmarès 91, Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or, devant trois joueurs qui, cette année-là, arrivent second tous les trois. Il n'y a pas eu de troisième place, second tous les trois. Est-ce que vous en souvenez? Alors, je ne me souviens peut-être pas dans l'ordre exact, mais je me souviens qu'il y avait une dispersion des votes. Oui. Il y avait Prozinecki, Pantchev. Alors, Pantchev, vous avez bon, Prozinecki, c'est pas bon, mais c'est un autre. Prozinecki devait être 5 ou 6e. Exactement, mais il n'est pas 2e. Il y avait Pantchev qui n'était pas très loin du podium. Le joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade qui a gagné contre l'OM. Et il y avait un troisième joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade qui a terminé 2e avec une quarantaine de points. Et troisième grand joueur qui était Ballon d'Or, je vous donne l'indice, Ballon d'Or l'année d'avant, 92, champion du monde avec l'Allemagne. Lothar. Matthäus, mais qui termine avec le même nombre de points que le. Exactement. Et cette année-là, c'est unique. J'ai regardé dans tout le palmarès depuis 58. Ouais. Je me suis amusé à regarder. C'est la première fois et l'unique fois pour le moment dans l'histoire dans le palmarès du Ballon d'Or où il y a un premier, Jean-Pierre Papin sous le maillot de l'OM, et trois deuxièmes. Trois ex aequo, Savicevic, Pantchev et Matthäus. Et il y en a eu beaucoup des Français, effectivement, sur le podium du Ballon d'Or. Sébastien Gibrael, on a un Marseillais aussi, Ballon d'Or. Zidane, bien sûr. Ouais. Un Cassidin, Michel Platini. On va tout ramener à nous quand même, hein, pour une fois, pour se faire plaisir. Ici, est-ce que le prochain Ballon d'Or est né à Marseille, Sébastien Gibrael? Ça, je ne sais pas, il faudrait demander à France Football, mais, mais pourquoi pas, enfin, j'espère. En tout cas, aujourd'hui, quand on permet à tous ces fans de foot, et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus depuis ce matin prendre la petite photo avec le ballon, c'est de dire de leur donner cet objectif de peut-être obtenir ce Ballon d'Or. Voilà, on sait qu'à Marseille il y a des talents dans toutes les catégories de jeunes, et pourquoi pas un futur Marseillais qui obtiendra ce ballon et qui se rappellera qu'il est venu au Stade de l'Or grâce à France Bleu Provence et à la ville de Marseille et découvrir son futur ballon. J'ai une question qui me vient un peu, non pas perverse, vous allez me dire je parle beaucoup d'argent tout ça, mais vous êtes quelque peu vicieux. Un petit peu, c'est vrai. J'ai ce vice là en commun avec vous, mon cher Laurent. Mais est-ce que Emmanuel, est-ce que le joueur qui reçoit le Ballon d'Or touche une prime? Ah non, pas à ma connaissance. Non, c'est la gloire, c'est le prestige. C'est le prestige du Ballon d'Or. Voilà, il garde disons qu'il a la valeur de son propre Ballon d'Or qu'il peut afficher dans son salon, mais il n'y a pas de. Ça n'a pas de prix. Il n'y a pas de prime associée. Non. Et ça n'a pas de prix. C'est ça. Merci beaucoup à France Football. On rappelle qu'il a créé cette haute distinction footballistique du Ballon d'Or. On s'écoute un trésor justement. C'est Bruno Mars sur France Bleu Provence. Le trésor, Fred, vous le confirmez. Il est bien là sous nos yeux. Et voilà les Marseillais qui se prêtent au jeu. Voilà, selfie avec le Ballon d'Or, voilà, c'est gardé de près, bien c'est sûr. C'est la star de l'après-midi. Voilà, il y a plein d'animations avec la ville de Marseille, avec les différents services des sports ici réunis. Il y a plein de nouvelles animations aussi à découvrir. Il y en a vraiment pour tout le monde. Donc venez en famille. Profitez-en. On ne vient en famille. On va faire peut-être passer la pub et puis après on ira voir des familles. Vous voulez rentrer de l'argent, vous, hein? Oui, vraiment vicieux, c'est bien ce que je disais, vous. Hein. Non, on s'écoute Bruno Mars. On reste sur la planète du football. À tout de suite. France Bleu Provence, en direct de Marseille. Émission spéciale Ballon d'Or. Avec Bruno Mars. Dans un court instant, d'autres invités qui viendront nous retrouver sur France Bleu Provence dans l'agitation de ce que l'on vit en ce moment sur la pelouse du Stade de l'Or. France Bleu Provence est en direct avec la ville de Marseille. Il est temps encore de venir nous retrouver pour venir faire le selfie incontournable aujourd'hui avec le Ballon d'Or qui est juste là devant nous, et les Marseillais se prêtent au jeu. Venir aussi avec les enfants, après tout c'est mercredi, venir faire des activités de sport. Il y a plein d'animations gratuites, on y revient dans un instant. Il y a aussi aussi plein d'invités à notre micro sur France Bleu Provence. La suite de l'entretien avec Jean-Pierre Papin. Et dans un instant, nous serons avec Alexandre Jacquin, avec la rédaction de la Provence. Journée événement. France Bleu Provence expose le Ballon d'Or. France Bleu Provence, 11h, Cédric Frémy. Cette semaine, en participant à notre quiz 100% Provence, vous tentez de gagner un séjour à Avignon. Vos invitations pour le festival Avignon Vélo Passion, dont France Bleu Provence est partenaire. Alors, c'est pas ce week-end, mais celui d'après. Mais aussi la nuit du samedi 28 octobre en hôtel 4 étoiles face à l'horloge de l'hôtel de ville et l'Avignon City Card pour visiter le Palais des Papes ou encore le pont d'Avignon. Je traîne des gueules ! C'est sur France Bleu Provence, de 11h à midi. Cette saison, Alexandre a gagné 72 minutes sur son trajet pour pouvoir crier encore plus au stade. Hé hey oh, je ne crie pas, j'encourage. Tunnel Prado, 30 ans à vous faire gagner du temps. Et depuis le 7 octobre, gagnez encore plus de temps avec la nouvelle bretelle Schlossing. C'est gratuit. Profitez vite de nos offres d'abonnement exceptionnelles sur tunnelprado.com. Rendez-vous ce week-end sur le salon Artemisia au Parc Chanou à Marseille. Rencontres, échanges et découvertes en présence de 180 exposants, experts et passionnés de la bio, du bien-être et de l'habitat sain. Un salon interactif avec des conférences, des ateliers bien-être et des animations créatives. Obtenez votre entrée gratuite sur salon-artemisia.com. France Bleu Provence. Le trafic en Provence, on ne vous oublie pas. Si vous êtes en voiture, si vous rentrez tranquille à la maison après la journée de ce mercredi, il y a du monde sur la 57 en direction de la métropole toulonnaise. Vous serez ralenti également en direction de Solliès-Pont. De l'autre côté, on observe aussi un ralentissement sur la périphérie marseillaise. Ça ralentit sur l'autoroute Nord quand vous arrivez devant l'hôpital Nord en ce moment en direction de Marseille. Et puis un ralentissement annoncé également juste à la hauteur de Rognac. Sur Aix, dans l'ensemble, ça roule et partout dans les Bouches-du-Rhône. Restez prudents. Journée événement. France Bleu Provence expose le Ballon d'Or. Emmanuel Beaujean de France Football, notre invité. À ses côtés, il nous rejoint également sur le terrain des grands spécialistes du sport également. C'est Alexandre Jacquin. Nous saluons la rédaction de La Provence. Votre quotidien également, c'est le chef du service des sports que nous saluons au passage. Alexandre Jacquin, bonjour. Bonjour. Comment est normal que vous soyez là avec cet événement quand même qui touche toute la planète football ici à Marseille? Je vois beaucoup de monde, beaucoup de Marseillais. C'est très bien. C'est populaire. Je sais que le Ballon d'Or était venu une fois il y a 4 ans je crois chez oui. Nous dans nos locaux, mais il n'y avait pas le public comme ça, c'était pas ouvert à tous quoi. Et là c'est vrai que c'est très bien, c'est très bien. Ça touche les supporters, ça touche les familles marseillaises, c'est quand même tout un symbole. Qu'est-ce qu'il représente à vos yeux, ce Ballon d'Or, vous qui êtes un grand observateur et connaisseur? Il représente, enfin en tant que Marseillais, il représente deux personnages, Jean-Pierre Papin et Zinedine Zidane. Après il représente un rêve aussi parce que c'est le joueur de l'année. Alors ces dernières années, il représente aussi beaucoup de débats dans les rédactions, à savoir pourquoi on le donne à Messi, pourquoi on l'a pas donné à un tel. Je pense qu'il y aura encore des débats cette année. On peut en ouvrir un. Alexandre Jacquin de La Provence, est-ce qu'on peut en ouvrir un tout de suite avec à vos côtés justement France Football? Nous allons écouter Jean-Pierre Papin tout de suite. Et pour lui, les supporters devraient aussi participer au vote. Interview de Jean-Pierre Papin, exclusivité France Bleu Provence au micro de Bruno Blanza. Écoutez le Ballon d'Or. Est-ce qu'on vous en parle encore aujourd'hui, Jean-Pierre Papin, de ce Ballon d'Or? Je parle notamment, par exemple, des supporters de l'OM que vous pouvez croiser régulièrement. Non, pas spécialement. Pas spécialement. Les supporters de l'OM d'aujourd'hui sont plus focalisés sur le résultat du club d'aujourd'hui, ce que je peux comprendre d'ailleurs. Après, sur des supporters de ma génération à moi, souvent, c'est un petit mot. Alors, ce Ballon d'Or, il est où? Alors aujourd'hui, il est à la maison. Et je le cajole tous les jours. Ouais, j'aime le cajoler en fait, parce que quand on regarde l'histoire du foot, c'est tellement hyper précis, hyper unique d'avoir ce genre de trophée que on est obligé de le cajoler. Qu'a-t-il changé sur le moment pour vous? Est-ce qu'il vous a boosté? Est-ce que ça vous a rendu encore plus fort? Est-ce que ça vous a permis peut-être de signer à l'AC Milan juste après ou pas? Non. Sincèrement, ça n'a pas changé grand-chose. À l'époque, c'était un trophée qui était très prisé. Mais une fois qu'on l'a, en fait, t'as l'impression que tout va s'ouvrir. Mais en fait, il n'y a rien qui s'ouvre. Ça reste un trophée que t'as reçu et l'année recommence avec un autre à prendre l'année d'après, quoi. C'est après qu'on se rencontre. Sur le départ, non, ça change rien. Par contre, après, quand tu ouvres les livres, bah, tu fais partie de ceux-là. T'es toujours dans les plus de tout. Ballon d'or, c'est pas assez rare. Donc, c'est vrai que ça change un petit peu sur la communication. Mais après, sur le coup, non. Il ne vous a pas servi ce ballon d'or à avoir, je sais pas, un poste derrière de joueur ou d'entraîneur ou je ne sais quoi. Ça n'a pas fait une différence? Non. Non, non. Non. Ça ne vous a pas mis plus en avant? Non. Voilà. Hein. Non. Par exemple. Mais à l'époque aussi, c'était moins prestigieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand même, quand on parle du ballon d'or, à partir du moment où il est fini, on parle déjà de l'autre. Donc, c'est quelque chose qui perdure. C'est quelque chose qui est important pour le monde du football. Et aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus important qu'avant. Vraiment? Ouais. Ça a pris une autre ampleur médiatiquement, vous voulez dire? Ça a pris une autre ampleur à partir du moment où la FIFA avait acheté les droits, parce que chaque année on faisait de ce trophée certainement le trophée des meilleurs joueurs du monde. Oui, oui. Avec tous les invités qui vont avec, etc. Nous, à l'époque. D'ailleurs, les sélectionneurs votaient à ce moment-là quand la FIFA avait entre guillemets racheté le ballon d'or à France Football. Les capitaines, les sélectionneurs, les entraîneurs. Donc, voilà. Alors qu'aujourd'hui, ce ne sont plus comme avant que les journalistes qui votent quasiment. Ouais, mais à partir du moment où tu fais voter tout le monde, il faut vous faire voter aussi quelque chose qui manque. Pour moi, il faut faire voter les supporters. Parce que les supporters, même s'il y a un pourcentage minime, mais les supporters ont leur choix aussi, ont leur favori. Et c'est dommage qu'un jour, on n'ait pas fait un site où mettre qui on voterait. Après, on en prend une partie. Mais au moins, tu as déjà une idée de ce que ça va être. Après, peu importe, ça changera quoi que ce soit. Mais pour un peu, ça changera pas beaucoup. Mais le fait de donner aussi la voix aux supporters, je pense que ça aurait été important. En NBA, ça se fait par exemple. Le basket nord-américain, pour le meilleur joueur de la saison, les supporters peuvent voter, effectivement, ouais, et mais ça prend une partie. Donc, partir du moment où tu prends tous les critères en jeu, tu dois prendre les supporters, parce qu'ils sont partie importante du football. Ça veut dire que les journalistes ne savent pas voter, hein? Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Non, non, mais je moi, comprends ce que moi, vous voulez dire. Ouais. Pour moi, les journalistes, c'est eux qui doivent voter. Sauf que, comme les supporters, comme les entraîneurs, comme les capitaines, ils ont tous leurs favoris aussi. Mmh. Donc à partir du moment où tu as plus un favori qu'un autre, si tu veux en carré un, etc., c'est facile. Bien sûr. Bon, mais après, c'est un vote. Hein. Un vote, c'est comme ça. Hein. C'est pas toujours blanc-bleu. Bon, il y en avait 170 de journalistes. Maintenant, il n'y en a plus que 100. Les 100 correspondants de France Football dans les pays qui sont le mieux classés, justement, au classement de la FIFA, au classement international. C'est ça aujourd'hui. Et il y a bien évidemment une liste de 30 nommés qui est faite en amont. Il faut voter à partir de cette liste. Non, mais moi, je respecte ça. Il n'y a pas de souci. Après, c'est un vote. Un vote, on est aimé, on n'est pas aimé, on est haï. C'est pas grave, c'est comme ça. À l'époque, vous aviez été adoré. Hein. Mais moi, vous j'ai été adoré. Ouais, je m'en souviens. Ouais. Ouais, je m'en souviens. Vous aviez eu 142 points de mémoire. J'ai regardé ça, bien évidemment. Sur les 29 votes, 26 fois vous êtes premier. Ouais. Ouais, à l'époque, ouais, j'avais fait l'unanimité parce que aussi j'avais marqué les esprits avec les buts cette année-là. Donc c'est vrai que ça avait été un vote relativement unanime. Ouais. 141 points, Jean-Pierre Papin, pour vous en 91. Vous savez qui est deuxième derrière? Ils sont trois à être deuxième. C'est Mataos, il y a Mataos, Savicevic et Pančev. Et Pančev, voilà. Deux joueurs de l'étoile rouge de Belgrade, Savicevic et Pančev, yougoslave, et puis Mataos, l'allemand, qui jouait à l'époque à l'Inter de Milan. Tout à fait. 42 points. Vous avez quasiment gagné le ballon d'or avec plus de 100 points sur eux. La suite de cette interview avec Jean-Pierre Papin à l'occasion de la venue du Ballon d'Or ici depuis le stade de l'Or. Réaction tout de suite avec notre plateau sur la pelouse justement du stade à quelques mètres du Vélodrome. Journée événement. France Bleu Provence expose le Ballon d'Or. Emmanuel Beaujean pour France Football, le rédacteur en chef adjoint de France Football. Alexandre Jacquin qui nous a rejoint. Fred Chapuis de la rédaction de France Bleu Provence. Monsieur le chef du service des sports, vous écoutiez avec beaucoup d'attention cette interview accordée à Bruno Blanzaï et France Bleu Provence. Votre réaction, Alexandre Jacquin? Ouais, c'est vrai que je suis peut-être d'accord quand tu dis qu'aujourd'hui, les jeunes générations, pas ne le reconnaissent plus, mais lui parle pas du Ballon d'Or. Lui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de foot parce que c'est l'ouverture avec les droits télé, avec la première ligue. Les gens ne sont plus focalisés que sur l'OM. Ils regardent les championnats anglais. Donc c'est vrai quand il dit que c'est surtout sa génération qui lui parle de Ballon d'Or. Je comprends tout à fait. Et il était dans les écoles marseillaises il y a encore quelques jours où les petits, les minots ne connaissent pas. Ouais, Vitinha, Rongier, c'est vrai, c'est sûr que c'est plus Vitinha que Papin. C'est un peu dommage. Mais c'est notre star du jour, en tout cas, à l'occasion du Ballon d'Or. Merci beaucoup, Alexandre Jacquin. Peut-être dans le public, une petite réaction avec Fred Chapuis. Oui, vous allez ouvrir un débat, je crois, après 17h, Laurent, sur faut-il faire participer le public, les supporters à voter. Je suis avec Pape, marseillais, ancien joueur de l'OM. On en parlera tout à l'heure, influenceur sur les réseaux sociaux. Vous faites beaucoup de contenu football. On parlera après 17h, mais pas question simple. Donc, pour ouvrir le débat, est-ce que les supporters doivent voter pour le Ballon d'Or ? Alors, bonjour à tous. Déjà, moi, je pense que ça serait une bonne idée pour moderniser la cérémonie du Ballon d'Or, de faire participer les abonnés, pourquoi les fans de foot, pour qu'il y ait leur parole qui porte pour la cérémonie et pour les votes. Bon ben voilà, le débat est ouvert, mon cher Laurent, par Pape. On le réécoutera après 17h. Les supporters qui pourraient participer peut-être à cette élection du Ballon d'Or. Réaction tout de suite de France Football. C'est pas une question piégeuse de vous poser ça. Comment vous voyez, sachant qu'il y a eu plusieurs vies dans la grande histoire du Ballon d'Or, c'est pas impossible un jour? Non, c'est pas impossible. C'est une façon de moderniser cela, en effet. Il y a eu aussi une période où le Ballon d'Or France Football était sous la coupe de la FIFA, et on s'est aperçu que pendant cette période, les lauréats ont parfois été ceux qui... Enfin, d'autres lauréats auraient pu émerger si le collège des journalistes seuls avait été retenu au début des années 2010. Donc ça montre que quand on fait aussi participer parfois les sélectionneurs, les joueurs, là peut-être les supporters, ça implique d'autres considérations, et parfois il peut y avoir la tentation de voter pour son coéquipier, son copain. Donc il faut peser le pour et le contre, et c'est vrai qu'en tout cas avec un collège de 100 journalistes, on a pour l'instant trouvé un équilibre. Alexandre Jacquin, pour la Provence, vous voteriez pour qui, vous, pour cette année, pour ce titre 2023, après Karim Benzema de l'année dernière, vous qui êtes un journaliste professionnel? Déjà, je sais que je voterai pas pour Messi. Alors voilà, le débat est là. Je serais plutôt Haaland ou Mbappé. En tant que Français, je dirais Mbappé. Je pense que c'est plutôt Haaland qui le mérite. Mais il y a plusieurs Français qui font partie de la liste des 30, hein, si j'ai bonne mémoire. Oui, bien sûr. Il y a Kylian Mbappé, il y a Antoine Griezmann, il y a aussi Randal Kolo Muani. Les Français, après une Coupe du Monde aussi pleine et réussie, ont investi les nommés, et aussi les nommés du trophée. Rappelons que c'est calé sur la saison dernière. Hein. Bien sûr, voilà, c'est ça. C'est important de le souligner. Attention, c'est pas dans l'air du temps. Le fait d'être bon en septembre ou octobre n'y change rien, puisque c'est grosso modo d'août 2022 à juillet 2023. Et puis l'actu sport, bien sûr, avec la Provence, que nous allons remercier Alexandre Jacquin, bien sûr, avec tous les articles concernant la vie olympienne, plus que jamais, hein, dans votre tribune. Hein. Plus que jamais, il y aura aussi le récit de cette belle après-midi au Stade de l'Or. Vous retiendrez un petit peu ces enfants, tous ces minots qui viennent de tous les quartiers. Beaucoup de joie de tous ces enfants qui sont contents de poser avec le Ballon d'Or et d'avoir la photo pour toujours. Et puis on espère un jour avoir la cérémonie aussi sur les terres marseillaises du Ballon d'Or. Pourquoi Paris, enfin toujours Paris? Écoutez, Paris n'est pas certain de conserver le lieu de la cérémonie. Il est possible qu'à l'avenir ça évolue et qu'il y ait une... Je vous ai mis dans une situation délicate. Non, mais ça fait partie d'une réflexion. C'est-à-dire que pour l'instant, on était bien accueillis au Théâtre du Châtelet, mais il y a des réflexions justement pour aller dans d'autres lieux à l'avenir. C'est une info qu'il est en train de donner à France Bleu Provence. Scoop France Bleu Provence, il va y avoir une dépêche AFP dans pas longtemps, avec la possibilité de délocaliser la cérémonie du Ballon d'Or, peut-être un jour à Marseille. C'est normal, c'est un titre international, un titre planétaire. On écoute Oshi sur France Bleu Provence. À tout de suite. Cherche la lumière en moi. Dans mon corps, il doit bien y avoir ça. Dites-moi si on ne m'aime plus tant que ça. Ici la haine tue, putain je ne comprends pas. Pourquoi moi je leur sers d'appât. tête dans vos bras. Et surtout, gardez un bout de moi. M'en voulez pas si je me fais un film ou un drama. Je marche sur un fil qui se défile sous mes pas. Cherche un endroit, un toit pour être moi. Je partirai avec Oshi sur France Bleu Provence. Ne partez pas, restez avec nous après 17h. Notre émission spéciale du Ballon d'Or ici sur la pelouse du Stade de l'Or se poursuit. Il y aura aussi le 100% OM à ne pas rater entre 18h et 19h. France Bleu Provence, demain dès 9h, Corinne Zagara. Ce jeudi dès 9h05, c'est José Manzano, responsable juridique de l'UFC Que Choisir, antenne d'Aix-en-Provence, qui vous aide à défendre vos droits de consommateur si vous êtes victime d'un problème dans l'univers de la consommation. Et côté cuisine à 10h, les fromages de chèvres seront à l'honneur à l'occasion d'un grand week-end spécial proposé à la ferme du Brigalon à Rogne. Et ce sera l'occasion, bien sûr, de partager vos meilleures recettes. Votre matinée France Bleu Provence, 9h-11h, pour vous rendre service, mais surtout pour se régaler. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Provence. Il est 17h. Un mot sur les conditions de circulation pour vous dire que sur la 57, ça ralentit en direction de la métropole toulonnaise. La 50 chargée, surtout en quittant Marseille en direction d'Aubagne. De l'autre côté, ça roule. Hein, c'est plutôt tranquille sur la périphérie marseillaise. Sur l'autoroute Nord, par contre, ça s'est bien chargé depuis quelques minutes, surtout en descendant sur plan de campagne et sur Marseille. En arrivant sur Aix, vous serez légèrement ralenti sur la 51. Partout ailleurs, ça roule. Un petit mot cette fois-ci sur la météo pour vous dire que des pluies sont à prévoir ce soir. Quelques averses possibles partout en Provence. Des nuages qui seront bel et bien présents au lever du jour et porteurs donc de quelques rares averses pour demain. Ça deviendra un petit peu plus menaçant sur le Var avec un vent assez fort de sud à sud-est, des rafales encore en prévision jusqu'à 85 km/h en fin de matinée. Les températures pourront grimper jusqu'à 25 degrés. À Marseille, il fera 21 degrés. À Aix-en-Provence, 20 degrés. Et à Toulon, 21 degrés. Juliette Piron pour les infos. Et de nouvelles manifestations pro-palestiniennes interdites chez nous en Provence, Juliette. Oui, l'une est organisée dans une heure à Marseille sur le Vieux-Port, l'autre à Istres. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône a demandé leur interdiction en raison, je cite, des risques de troubles à l'ordre public dans le contexte actuel. Contexte effectivement très anxiogène après l'assassinat de Dominique Bernard à Arras il y a moins d'une semaine et un attentat terroriste à Bruxelles il y a 3 jours. Une dizaine d'aéroports français ont été évacués. Aujourd'hui, après avoir reçu des mails d'alerte à la bombe, comme à Toulouse ou à Bordeaux, le château de Versailles a fermé ses portes pendant 2 bonnes heures ce midi après une fausse alerte à la bombe. Après la frappe d'un hôpital à Gaza, hier, Israël donne l'autorisation pour faire entrer l'aide humanitaire sur le territoire palestinien depuis l'Égypte. Le bilan de cette attaque dans le centre de Gaza est désormais de 471 morts. Israël et le groupe terroriste islamiste du Hamas continuent de s'accuser l'un l'autre. Ce drame soulève une vague de colère dans le monde arabe. Des milliers de manifestants à Tunis, en Tunisie, à Beyrouth, au Liban ou à Amman, en Jordanie. Les avions Air France n'atterriront plus à l'aéroport de Marignane. C'est ce qu'annonce la compagnie pour l'année 2026. Ce qui veut dire plus de lignes Paris-Orly-Marseille. C'est la branche low-cost d'Air France qui prendra le relais. Ça sera Transavia. Certains craignent une dégradation de la fréquence ou de la qualité de ces vols. On reçoit Lionel Royer-Perrault, conseiller municipal d'opposition à Marseille, dans le journal de 18h. Et ce soir, au théâtre Tourski à Marseille, c'est le dernier adieu à Richard Martin. Cette figure du théâtre populaire marseillais est décédée avant-hier à l'âge de 80 ans. Il était un directeur de théâtre engagé, militant pour une culture ouverte à tous, saltimbanque comme il s'appelait lui-même. Son cercueil est exposé jusqu'à ce soir sur la scène du théâtre Tourski, ce lieu qu'il a fondé il y a plus de 50 ans dans le quartier populaire de Saint-Mauron à Marseille. Merci beaucoup Juliette Piron. Prochain rendez-vous avec l'info, le journal complet de France Bleu Provence. Ce sera donc à 18h. On vous rappelle que c'est un ciel qui sera bel et bien nuageux annoncé ce soir avec des averses. Donc si vous devez circuler, vous restez prudent. Le vent de sud-est souffle fort en ce moment d'ailleurs sur Marseille. Il se fera encore plus fort ce soir des Alpilles au golfe du Fosse autour des 55 km/h. Pour demain, des nuages présents au lever du jour et porteurs de rares averses qui seront un petit peu plus menaçants en cours de matinée. Des orages à prévoir, surtout pour l'après-midi, pour les Bouches-du-Rhône. Ce sera aussi menaçant dans le Var. Vent jusqu'à 85 km/h, température entre 22 et 25. Ça y est, l'automne a sonné. Marseille affichera un 21 degrés, à Aix-en-Provence 20 degrés, à Toulon c'est du 21 degrés. La météo 100% locale avec la grotte Cosquer à Marseille, la grotte préhistorique sous la mer. Découvrez tous ses secrets sur grotte-cosquer.com. S'il y a des difficultés, incidents, accidents sur le réseau autoroutier de notre Provence, vous nous appelez 04 42 38 08 08. Il y a du monde sur la métropole toulonnaise, essentiellement des bouchons sur la 57 comme toujours à cette heure-ci. Sur Marseille dans l'ensemble, ça passe. Simplement sur l'autoroute Nord, vous serez bien ralenti pour les principaux ralentissements. On y revient tous les quarts d'heure et plus, si nécessaire, sur France Bleu Provence. France Bleu Provence, France Bleu Provence. Spécial Ballon d'Or, Laurent Benet. Depuis ce matin, 11h, vous avez participé à de nombreuses animations organisées avec la ville de Marseille, son service des sports également, que nous saluons, son adjoint au sport qui est avec nous également, Sébastien Gibrayel, ici. On a eu le bonheur de tester différentes activités sportives avant de saluer l'adjoint au sport de la ville de Marseille. C'était le but aussi, au-delà du football, avec la venue de ce ballon d'or présenté ici sur la pelouse du Stade de l'Or, d'inviter les Marseillais, les familles à venir. Pendant ce temps-là, on fait le selfie avec le ballon d'or, et pendant ce temps-là, on a testé des activités. C'est toujours un vrai bonheur. Et le ballon d'or tournait aujourd'hui plus que jamais vers toutes les familles marseillaises, vers tous les supporters. Tout à fait, je suis très heureux parce que c'est vrai que depuis ce matin, c'est des centaines de Marseillais qui sont venus prendre un selfie avec le ballon d'or. Puis la ville de Marseille avait mis en place plein d'activités. Je remercie France Bleu Provence, le ballon d'or et France Football. C'est une belle journée et très honnêtement, voilà, je pense que aujourd'hui, Marseille, encore une fois, on entre dans l'histoire puisque c'est la première fois qu'on reçoit le ballon d'or et qu'on permet, en tout cas, aux fans de foot de venir prendre une photo. Et quand je vois encore que ça continue à venir au Stade de l'Or, donc merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreuses et nombreux. Et puis, je le dis, je souhaite que dans le futur, un Marseillais puisse lever encore une fois ce ballon d'or comme Zinedine Zidane. Et le travail passe aussi dans les quartiers, dans tous les clubs amateurs, dans tous les clubs de sport, dans le centre de formation en pleine construction aussi de l'Olympique de Marseille, on peut le dire. Ouais, tout à fait. C'est vrai que je voudrais saluer tous les bénévoles dans les clubs de foot qui font un travail extraordinaire, notamment Omar Kedadouche qui est avec nous sur le plateau. Et remercier tous ces présidents, remercier voilà tous les parents. Marseille vibre par le football, Marseille vibre par le sport et Marseille est ville active et sportive. Et on en est fiers à Marseille, c'est pour ça qu'on met les moyens pour qu'ils puissent se pratiquer dans des conditions dignes de ce nom. Il y aura d'autres événements bien sûr à suivre avec la ville de Marseille aujourd'hui. Donc cet éclairage sur la venue du Ballon d'Or, c'est seulement aujourd'hui, c'est jusqu'à 18h et nous restons ensemble jusqu'à 19h en direct du Stade de l'Or. Sébastien Gibrayel, merci beaucoup. Merci à vous. Et bienvenue sur France Bleu Provence pour cette émission spéciale à suivre l'interview de Jean-Pierre Papin. Tout de suite, retour sur la pelouse. France Bleu Provence en direct de Marseille. Émission spéciale Ballon d'Or. Dans une heure, le 100% OM avec Omar Kedadou. Je cherchais partout, il était juste là en face de moi. Salut Omar, ça va? Salut mon Lolo. Prêt pour le 100% OM tout à l'heure? On est patate, chaud patate. Toi qui fréquentes au quotidien tous ces minots que nous avons là, je salue le club, la SC, ben Vivo Sauvagère, OAC, ils sont là. Ils se régalent, les petits. Ils sont heureux, donc bravo à Sébastien Gibrayel, la ville de Marseille, bravo à France Bleu Provence, notre radio, parce que moi je leur ai dit, des matchs de l'OM, vous aurez l'occasion d'en voir. Des ballons d'or dans une vie, ça se voit pas souvent. Surtout qu'une indiscrétion me dit qu'il pourrait être dans les mains d'un petit joueur argentin dans quelques mois. Ah bon, vous savez ça, vous? C'est une rumeur qu'on entend un peu dans les bars. Donc voilà. Donc, en tout cas, c'est magnifique. Il en a eu 7 de mémoire. D'ailleurs, oui. Notre Bible est avec nous. Emmanuel Beaujean, de France Football, qui a créé ce titre aujourd'hui devenu planétaire, le fameux ballon d'or. Il parlait de Messi, naturellement. Cette fois, le ballon d'or, déjà primé. Messi, on pourrait imaginer encore une fois supplémentaire. Ah, il fait partie des 30 nommés, donc il a tout autant sa chance que les 29 autres, oui. Et bien voilà, c'est dit. Fred Chapuis fait réagir aussi tous les fans, tous les supporters, tous les passionnés du ballon rond à Marseille. Oui, je suis avec Pape. On était avec Pape il y a 5 minutes, juste avant le 17h. Et donc Pape, à nouveau, je vous représente. Formé à l'OM, vous y avez évolué avec le maillot blanc de 5 ans à 15 ans. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Vous n'avez pas porté le maillot en équipe 1, ancien joueur, et vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Et vous êtes probablement le seul ici à avoir assisté à la cérémonie du Ballon d'Or. C'était l'année dernière, racontez-nous. Alors oui, l'année dernière, j'étais à la cérémonie du Ballon d'Or. Franchement, c'était incroyable parce que d'habitude, je regardais le Ballon d'Or sur l'équipe 21 avec mon père, comme tout le monde, en direct. Et là, d'être à la cérémonie au plus près du Ballon d'Or avec des personnalités du football, c'était incroyable et une expérience vraiment que je souhaite à tout le monde de vivre. Parce que c'est incroyable. Alors Pape, la question que tout le monde se pose, comment vous, Marseillais, vous êtes retrouvé à la cérémonie du Ballon d'Or l'année dernière? Ben moi, voilà, je suis créateur de contenu foot. Et du coup, à presque tous les événements sportifs, que ce soit à la Coupe du Monde, à la CAN, à l'Euro, j'ai assisté. Et c'est normal d'être à la plus grande cérémonie qui est en France. D'être présent, je pense. Est-ce que vous y serez le 30 octobre au Châtelet à Paris? J'espère, hein, on va négocier une petite invitation. Avec qui vous négociez? Avec directement le patron de la FIFA? Avec France Football? Ah, je vais pas donner mes tuyaux, mais en tout cas... Ils sont forts, les Marseillais. On est forts, les Marseillais. On est très forts. On est de partout. Alors, une question quand même, puisqu'on met à l'honneur le Ballon d'Or, on met à l'honneur particulièrement, et ça fera la transition avec la suite du débat, mais le Ballon d'Or version Marseille. On a beaucoup parlé de Jean-Pierre Papin, évidemment. Vous n'étiez pas né en 91. Ça représente quoi pour vous encore aujourd'hui, Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or, unique Ballon d'Or français avec un maillot, avec un club français, en l'occurrence avec l'OM? Ben c'est incroyable parce que c'est une légende du foot français de Marseille. Et en plus de le remporter avec nous, c'est quelque chose d'inédit. Et on espère que ça va revenir dans les générations suivantes et que les jeunes ne vont pas l'oublier. Que ça soit dans les mentalités et dans les mentalités de tout le monde, parce que c'est une personnalité. Aujourd'hui, il est sur le banc avec le club. Faut pas l'oublier, faut toujours penser à lui et lui rappeler aussi. Alors, qui a dit qu'il n'y avait que les vieux qui se souvenaient du Ballon d'Or? Bravo, Pape. De Jean-Pierre Papin, preuve, Pape s'en souvient parfaitement. Il a un nom et un prénom porteur d'enthousiasme et de légende aussi sur Marseille. Ouais. Merci beaucoup, on les met. Merci beaucoup. Merci à vous, Pape. Merci Fred Chapuis. Dans un instant, justement, le Ballon d'Or a choisi France Bleu Provence pour revenir sur cette journée avec la venue du ballon qui est juste là, à côté de nous, pas n'importe lequel, hein, c'est de l'or en barre. Hein, vous imaginez que nous vivons en ce moment bien sécurisé, hein, le ballon. Mais tout le monde peut l'approcher au plus près pour prendre sa petite photo si vous nous écoutez. Du coup, l'émission spéciale avec France Bleu Provence qui crée l'événement ici depuis le Stade de l'Or. On se retrouve dans quelques instants avec tous nos invités. Le temps d'écouter le groupe Cure. Sur France Bleu Provence à 5h15. Et le retour de l'infotrafic avant la suite de notre émission spéciale depuis Marseille sur le Ballon d'Or avec toujours du monde sur la 57. Quand vous êtes sur Toulon, vous serez bien ralenti en direction de la métropole toulonnaise. Normal, c'est l'heure de pointe et ça se voit sur nos écrans et toutes les infos que vous nous remontez au 04 42 38 08 08. Sur Marseille, dans l'ensemble, ça roule pas si mal que ça. La preuve, la 55 est dégagée côté littoral. Nous avons un petit peu de monde sur la 50 quand vous quittez Marseille en direction d'Aubagne. Sur l'autoroute Nord, vous serez bien ralenti par contre là en descendant et surtout de l'autre côté quand vous quittez la rocade L2 en descendant sur Vitrolles, ralentissement sur la D9 pour s'engager sur Aix-les-Milles tout proche d'Aix-en-Provence. Partout ailleurs, ça roule. L'infotrafic 100% local avec le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Le département vous aide à financer la rénovation énergétique de votre logement. Rendez-vous sur département13.fr. Journée événement. France Bleu Provence expose le Ballon d'Or. Avec tous les invités sur le terrain, cette fois-ci on peut le dire, hein, parce qu'on est vraiment en train de fouler la pelouse là, avec une image très symbolique. Nous sommes avec une vue magnifique hein, sur le Vélodrome. J'allais presque dire que nous sommes sous l'ombre du Vélodrome à l'heure où je vous parle, et nous sommes bel et bien sur ce beau complexe sportif du Stade de l'Or en direct. Pourquoi ? Parce que là, à quelques mètres de nous, se trouve le Ballon d'Or, arrivé ce matin en cortège officiel, présenté à tous les supporters marseillais en ce moment même. Ça nous a permis de créer cet événement avec France Bleu Provence. C'est la ville de Marseille. Et puis surtout, d'avoir celui qui a reçu le Ballon d'Or en faisant partie d'un club français, c'est bien sûr l'illustre Jean-Pierre Papin qui a accepté cette interview, donc là tout de suite au micro de France Bleu Provence et de Bruno Blanza. Et on va revenir sur cette grande époque, bien sûr, du Ballon d'Or pour notre JPP. Jean-Pierre Papin, d'ailleurs, qui dédie son Ballon d'Or France Football à son équipier à l'OM à l'époque, Alain Casanova, le gardien remplaçant. Alors du coup, Bruno l'a questionné. Pour quelle raison? Il y avait de la fierté à ce moment-là. Est-ce qu'elle est encore présente, cette fierté, plus de 30 ans après? Non, la fierté, elle est présente d'être Ballon d'Or. Peu importe qui est deuxième, comment on l'a eu, sincèrement, je m'en fous. Enfin, ouais. Avant, c'est Van Basten. Avant, c'est Marco, après, il y a Mataos. Après, c'est... Je crois bien Mataos, c'est deux fois Van Basten. Et Van Basten encore, ouais. Ouais, ou au moins une fois. C'est colossal. Ouais, c'est colossal. Mais c'est comme ça, c'est l'histoire. Cette année-là, j'ai été certainement le meilleur attaquant qu'on pouvait trouver en Europe. Je l'avais mérité. Parce que vous avez raison de le souligner. À l'époque, c'est le meilleur joueur européen qui joue dans un club européen. Voilà, là, depuis, ça a changé. Et on voit notamment les Sud-Américains ont gagné des ballons d'or. On pense à Messi, mais à d'autres, notamment des Brésiliens. Oui, mais alors, il faut changer. C'est plus un ballon d'or européen, c'est un ballon d'or mondial. Ah, aujourd'hui, c'est ça. Hein. D'accord. N'importe quel club. Mais à votre époque, c'était un joueur européen. Effectivement. On est d'accord. Voilà, ouais. Il y avait peut-être moins de concurrence. Je ne sais pas. Oui, certainement. Voilà, certainement, c'est aussi possible. Mais les règles ont changé. Ça, vous les validez. Ça reste le problème. Football universel et c'est. Non, cool, mais quoi. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est la planète entière. C'est... À l'époque, je prends quand même. Oui, exactement, exactement. Vous savez que Chris Waddle termine dixième cette année-là. Je sais. Dixième. Il aurait mérité d'être même dans les cinq premiers, je pense. Mais c'est vous qui avez tout raflé en termes de vote. Hein. Ouais. Vous lui avez dit, Chris, t'es sympa, mais là... Chris, on ne l'a jamais voulu. Celui qui était un peu en colère sur le moment, alors pas en colère, c'est Bernard Tapie, parce que alors ça se passe au moment de Noël, et il n'y a pas, vous parliez tout à l'heure de la médiatisation du Ballon d'Or, à l'époque, il n'y a pas de remise officielle, il n'y a pas de choses comme ça, dans un premier temps en fait. Il y a France Football qui fait sa une, mais après il faut attendre, vous, le retour alors, nous, en janvier. Alors nous, je me souviens bien, je me rappelle plus quand est-ce qu'on avait fait une remise officielle à Téléfoot. Et c'était avant le match de Caen. Je crois que c'était début janvier, je crois. C'est possible. Mais au Vélodrome, c'est face à Toulon, juste avant. Où je reçois. Quelque chose comme ça, voilà. Ouais. Et mais je l'avais déjà reçu, donc on avait fait une remise officielle par rapport aux supporters. c'est un moment aussi sympa, ça. Même si vous l'avez revécu là pour les 30 ans, il y a deux ans et demi. C'est un moment, on n'a pas idée en fait. C'est parce que quand tu te retrouves là au milieu avec ton ballon d'or, que tu vas jouer le match d'après, que tu l'as au bout des bras, que tu le montes au... Et je pense que je ne l'ai pas montré assez fort. J'aurais dû montrer plus fort, plus haut encore. Bernard Tapie dit à l'époque, nous préférons découvrir un nouveau talent qu'aligner un joueur démotivé. Vous vous souvenez de ces paroles-là ou pas ? Pas du tout. Non ? Non. En plus, il ne peut pas dire ça. Il avait deux ballons d'or. Il avait deux ballons d'or sur le... Il y avait Abedi qui avait eu ballon d'or africain Abedi aussi. Abedi Pelé, ouais. Et quand on avait joué à Lens, il y avait le joueur de Lens qui avait reçu le ballon d'or océanien. C'est donc, on était trois. Et trois ballons d'or sur le terrain, il y avait cette année-là. Et il dit aussi, Bernard Tapie, il le doit à personne d'autre qu'à lui-même. Il l'aurait obtenu dans n'importe quel autre grand club. C'est comme Coppa ou Platini. C'est le talent et le travail. C'est un bel d'accord. hommage aussi. Je suis d'accord sur le talent. Je suis d'accord sur le travail. Je suis pas sûr que je l'aurais eu ailleurs. Parce que dans cette équipe de l'OM de l'époque, ils étaient tous pour que je marque des buts. Et je ne sais pas si ailleurs, ça aurait été pareil. Qui tous ? Les Waddle ? Tous. Ouais, tous. Les passeurs, voilà. Les passeurs, ils vous mettaient en avant voilà, pour que vous marquiez. Voilà. Ouais. Ils savaient, en fait, chaque fois qu'on jouait, et Eric le dit souvent, Eric Dimeco, on en a souvent parlé, il me dit, nous, on savait que tu allais marquer à un moment, donc nous, il fallait juste qu'on défende bien. Mais on savait que t'allais marquer, donc c'était facile. Vous parlez de l'OM, Jean-Pierre Papin. Vous savez qu'on dit à jamais les premiers. Et là, vous êtes à jamais le premier. Et d'ailleurs, toujours le seul. J'ai presque envie de dire, malheureusement, le seul joueur français à avoir un ballon d'or. Et même le seul joueur tout court en à avoir dans un club français. Dans un club français. Ouais. Vous vous rendez compte quand même dans l'histoire du ballon d'or, hein, qui a été créé, je crois bien, en 1956. Ouais. Mais ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je l'ai eu parce que, encore une fois, tout à l'heure, je te disais, le ballon d'or, on peut pas l'avoir si on n'est pas dans toutes les compétitions, avec une équipe à ta disposition, en jouant toutes les compétitions, en étant bon dans toutes les compétitions. L'OM reste une des grosses équipes, une des seules grosses équipes à avoir imaginé tout ça pour que ça se passe comme ça. Vous avez un petit peu répondu tout à l'heure à cette question-là, mais a-t-il changé votre carrière concrètement, ce ballon d'or? Non. Non. Sincèrement, non. Vous ne l'auriez pas remporté, votre carrière aurait été la même derrière. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Maintenant, je l'ai remporté, donc. Après, on peut dire ce qu'on veut, mais sincèrement, ça n'a pas changé quoi que ce soit. Ce qui est super sympa, Jean-Pierre Papin, c'est qu'à l'époque, vous dites j'ai envie de rendre hommage et de le partager avec Alain Casanova, ouais. qui est le gardien remplaçant de l'OM à l'époque. Je souris parce que vous lui mais mettiez des papinades, des frappes tout le temps. Vous pouvez pas imaginer en fait ce qu'il a, le calvaire qu'il a vécu pendant 4 ans. C'est 4 ans, tous les jours, on allait frapper 200 frappes minimum. Et que 200 frappes, quand tu es face à face avec quelqu'un, c'est une surcharge qui est énorme. Et Alain, il a jamais rien dit. Quand moi, j'étais un petit peu en delà et que je voulais pas y aller, il me disait « Non, hier, tu m'as mis plein la tête, donc on va recommencer aujourd'hui. » Il m'a motivé même dans les moments où bon, j'étais un peu plus fatigué, je voulais pas trop y aller. Et en fait, quand j'ai reçu ce ballon d'or, le premier à qui j'ai pensé, c'est Alain. Parce que sans cette complicité qu'on avait tous les deux, j'aurais pas pu travailler peut-être de la même manière. Mais j'ai pu travailler de cette manière-là avec un ami. On avait fait l'INF ensemble. On s'est retrouvé à l'OM après 15 ans après. À Vichy. Hein. À Vichy. Ouais, ouais. Et le seul qui m'est venu de suite, c'est Alain, parce que ces moments compliqués qu'on vivait tous les jours, qui pleuve, qui vente, même qui neige de temps en temps, on y allait, et ça m'a fait grandir. Sur le moment, vous l'appelez pour lui dire ou pas ? Je l'ai appelé de suite. Je lui ai dit, c'est grâce à toi. Il m'a dit, non, c'est pas grâce à moi. Il m'a dit, c'est grâce à toi. Je lui ai dit, non, si tu n'avais pas été là, j'aurais peut-être pas pu travailler de la même manière. Pascal Olmeta, il ne voulait pas travailler. Quelquefois, il venait. Gaëtan venait une fois, Gaëtan aussi Huard. Quelques fois. Mais quand c'est comme ça, tu sais que le gardien titulaire, on a un match important le lendemain. Tu ne peux pas te risquer de te blesser, quoi que ce soit. Donc, c'était souvent avec le gardien remplaçant, avec les jeunes du centre de formation qui venaient centrer. Voilà, c'était une époque qu'on peut peut-être plus revoir aujourd'hui, mais qui a été magnifique. Magnifique, et quelle révélation de Jean-Pierre Papin qui dédie son ballon d'or France Football à son équipier à l'OM à l'époque, Alain Casanova, le gardien remplaçant, ballon d'or qui n'a pas, selon lui, donc bouleversé toute sa, révolutionné, on va dire, sa carrière. Vous l'entendez pour cette exclue sur France Bleu Provence, à réécouter en intégralité d'ailleurs sur l'appli ici ou sur francebleu.fr au micro de Bruno Blanzan. On l'écoute avec beaucoup d'attention, notre ballon Ballon d'Or. Oui, très intéressant. Ça retentit autrement ces propos-là, avec le Ballon d'Or devant nous, là, en direct depuis Marseille. Hein. Exactement, il y a quelque chose qui se passe de très particulier. Moi, j'ai connu Alain Casanova du côté de Toulouse, entraîneur à Toulouse pendant 8 ans, donc on le salue, c'est un chouette monsieur. J'ai une question pour Emmanuel en 30 secondes. Ah, Emmanuel Beaujean de France Football, on le rappelle. Exactement. Est-ce que c'est toujours le meilleur joueur qui gagne le Ballon d'Or, Emmanuel? Pas toujours, non. Forcément, il y a des années où des joueurs vont faire un peu plus débat et où il y aura une tristesse particulière ou de l'amertume. Je sais qu'en 2010, beaucoup auraient préféré Iniesta, Xavi, Sneijder, et il y a beaucoup d'autres années où il y a des débats. Moi, j'ai une année 2013. On pense à un joueur qui a porté le maillot de l'Olympique de Marseille, Franck Ribéry, qui cette année-là termine sur le podium. Mais tout le monde est d'accord pour dire, alors qu'il est champion d'Europe, alors qu'il est champion d'Allemagne, vainqueur de la Coupe d'Allemagne, il fait un quadruplé historique, vainqueur de l'Intercontinental, il n'a pas le Ballon d'Or, et je crois que c'est la déception de sa vie. Ah, complètement, et c'est vrai que c'était dur à comprendre pour lui-même, et on parlait tout à l'heure de faire voter les supporters. À l'époque de 2013, c'était encore sous l'égide de la FIFA, et il y avait un collège de journalistes, mais qui avait été aussi doublé par un collège de sélectionneurs et de joueurs, et c'est aussi en partie à cause de ça que Franck Ribéry n'a pas pu avoir son Ballon d'Or. Emmanuel Beaujean de France Football, le rédacteur en chef adjoint, est avec nous. Le Ballon d'Or restant encore quelques minutes. Si vous êtes dans le coin depuis le stade de l'Or, vous qui nous écoutez, mission passionnante bien sûr. Le football à Marseille, c'est une institution, c'est une religion, et plus que jamais on accueille le Ballon d'Or. Exclusivité donc que vous entendez sur France Bleu Provence. On se retrouve dans quelques instants avec de nouveaux invités. Un ange proteste, les écrous sont rouillés. I'm black and I'm proud, le souffle des ghettos, les gants noirs se lèvent. Un soir à Mexico, le rêve martyrisé de Martin Luther King. Une enfant nue brûlée, Bobby qu'on assassine. Panthère noire traquée, le son d'intolérance. Cette femme est coupable, coupable d'espérance. Oh Angela, Angela, my home is your home. Oh Angela, Angela, you know you'll never walk alone. En novembre 2008, un soir États qui s'unissent, échange de peau. Si c'est Yannick Noah qui vous fait chanter sur France Bleu Provence. Dans un instant, eh bien, on va saluer le chanteur, le sportif, et très bon d'ailleurs au tennis ballon au passage. Eh bien, on va rester autour du ballon rond ici depuis Marseille, avec toujours les Marseillais qui se font prendre en photo pour le selfie incontournable, le ballon d'or. Tiens, on va aller prendre un petit peu l'ambiance dans un court instant avec celles et ceux qui participent à cette animation. Et puis, on va revenir sur la grande histoire du ballon d'or aussi, liée à la vie de Marseille, bien sûr, et surtout à la grande épopée des Marseillais qui ont compté aussi dans le monde du football. C'est dans un instant sur France Bleu Provence. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. La police municipale de Marseille vous ouvre ses portes le samedi 21 octobre de 9h à 12h30 au Stade Vallier. Démonstration, temps d'échange, présentation des brigades. Venez découvrir les missions et les métiers de la première police municipale de France. Les portes ouvertes de la police municipale de Marseille le 21 octobre au Stade Vallier. Plus d'infos sur Marseille.fr. France Inter présente « Quels parents sommes-nous ? L'éducation positive en question ». Une conférence interactive animée par Ali Rebbi. Quels outils favorisent une communication efficace parents-enfants et que vaut aujourd'hui l'éducation positive à l'épreuve de la vie quotidienne ? Rendez-vous demain à 20h avec les invités, pédiatres, psychologues et chercheurs pour parler parentalité et proposer des solutions pour les parents et les enfants. Une soirée unique à la Maison de la Radio et de la Musique à vivre en direct en ligne. Informations et réservations sur franceinter.fr. Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire. Vous souhaitez vendre ou faire gérer votre logement ? En ce moment, dans les agences Century 21, profitez de l'opération C'est bien vu. Visite virtuelle, photos professionnelles et vidéos personnalisées de votre bien. Le pack complet vous est offert pour mettre en valeur votre logement et lui donner une visibilité optimale. Rendez-vous dans les agences Century 21 de la région. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Provence, ici, on parle d'ici. Sur la 57, en direction de la métropole toulonnaise, ça ralentit toujours. En direction de Cuers également, jusqu'à Solliès-Pont, vous serez ralenti. Dans la périphérie de Marseille, c'est la 50 qui s'est bien chargée déjà depuis un quart d'heure, 20 minutes. Jusque-là, ça roulait plutôt tranquille. Quand vous quittez Marseille en direction d'Aubagne, ralentissement donc. La 55 aussi, voilà, qui était bien dégagée il y a encore un quart d'heure, bien, c'est chargé depuis. Nous avons du monde sur l'autoroute Nord quand vous quittez Marseille à partir de la rocade L2. Et en arrivant depuis les Pennes Mirabeau, en descendant sur Marseille, également sur plan de campagne où ça bouchonne en direction de Marseille. À noter un bouchon important en direction de Rognac, également dans le secteur de Vitrolles. Sur la D9 pour arriver sur Aix-les-Milles, la descente et la montée de Célony qui s'est densifiée depuis notre dernier point. Partout ailleurs, ça roule. Ce soir, par contre, ça risque de boucher. Des difficultés liées aussi aux fermetures des autoroutes dans notre région. Cédric Frémy veille pour vous. Et il y a encore beaucoup d'autoroutes fermées ce soir et cette nuit. Ce qu'il faut retenir, c'est que les tunnels Joliette et Vieux-Port en direction d'Aubagne, Saint-Charles à Marseille, tunnel de Toulon dans les deux sens, fermé. L'A7 pour quitter Marseille, fermée entre Saint-Charles et les Pennes Mirabeau, et du coup la L2 à partir de La Rose. L'A50 fermée en direction de Marseille entre La Ciotat et la fin de l'autoroute à Marseille. Ou encore l'A52 entre Belcoden et la jonction avec la 8 en direction d'Aix et Nice. Plus des échangeurs, Aubagne, La Ciotat, La Valette, Toulon, Pierre Ronde, etc. Donc vous avez tout le détail sur francebleu.fr/Provence. L'infotrafic 100% local avec le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Le département vous aide à financer la rénovation énergétique de votre logement. Rendez-vous sur département13.fr. France Bleu Provence, France Bleu Provence. Spécial Ballon d'Or, Laurent Benel. Depuis Marseille avec toute l'équipe de France Bleu Provence. Vous le croyez ou pas, vous qui nous écoutez en voiture ou à la maison, le Ballon d'Or, la prestigieuse récompense décernée au meilleur footballeur de l'année du monde entier sera remis le 30 octobre à Paris. Mais le Ballon d'Or, alors je vous parle, est ici, à Marseille, dans la capitale du football. À mes côtés, Fred Chapuis pour cette 67e édition. Ça nous donne envie, depuis Marseille, bien sûr, capitale historique du football, à jamais les premiers, voyons, de parler aussi de l'histoire du palmarès de France Football, lié à Marseille, en fait. Exactement, bah, on a beaucoup parlé de Jean-Pierre Papin, et à juste titre, unique ballon d'or en 1991, unique ballon d'or français, avec un club français, en l'occurrence l'OM, donc on l'a dit en 1991, mais je voulais demander à Emmanuel, qui connaît le palmarès de France Football, du ballon d'or France Football depuis 1956 par cœur, si d'autres joueurs qui ont porté la tunique bleue et blanche de l'OM se sont fait remarquer dans le palmarès au cours de l'histoire du ballon d'or. Oui, bon, j'ai dû potasser, hein, je le connais pas par cœur, mais en fait Jean-Pierre Papin a réussi quelque chose d'assez rare et exceptionnel, parce qu'il est le seul joueur à avoir porter les couleurs de Marseille, à avoir intégré le podium, tout simplement. Il est le seul à avoir gagné, il est le seul à avoir été dans le top 3. J'avais pensé à Gunnar Andersson. Grand joueur et grand buteur de l'OM dans les années 50-60. Ouais, alors avant de venir, j'ai vérifié. Et en fait, quand il termine meilleur buteur du championnat de France en 52, en 53, ben, le ballon d'or n'existait pas encore. Et même s'il reste à Marseille jusqu'en 58, je crois, le ballon d'or a commencé à 56. En 56. Donc, il n'a pas figuré dans les palmarès. En revanche, il y a une jolie sixième place de Josip Skoblar en Soulier d'or 1972, de mémoire, oui. 44 buts avec sous le maillot de l'OM. Et sur l'année civile 71, il termine sixième. Après, il faut remonter un peu. Donc dans les années fin des années 80, quand Marseille commence à se rapprocher de son titre en Ligue des Champions, il y a eu du Klaus Allofs dixième en 87. Papin qui commençait déjà dont le nez commençait à poindre en 89, qui termine dixième. Il y a sa victoire en 91. On avait parlé de la dispersion des votes pour les joueurs de l'Étoile Rouge de Belgrade, avec Savicevic, avec Panchev et Prozineski, qui avaient eu une quarantaine de points, et lui il en avait 140 à peu près. Donc ça, c'est sa victoire en 91. Waddle, la même année, avait fait dixième. Chris Waddle, bien sûr. Puisque vous parlez de cette époque là Chris Waddle, alors je ne sais pas sur mon temps, micro est ouvert, je sais, puisqu'on parle de Chris Waddle et Jean-Pierre Papin, il y avait le triptyque. Fred, un petit souci de micro. Il y avait le triptyque. On parlait, excusez-moi, Laurent, on a été coupé. Waddle et Papin. On pense tous évidemment à Mehdi Pelé, qui a eu trois fois le ballon d'or africain, puisqu'on ne l'a peut-être pas précisé depuis le début de l'émission, mais les ballons d'or ouverts, enfin internationaux. Donc c'est après 1994 de mémoire. Voilà, après 1994. Oui, il a fallu attendre George Weah pour que un joueur autre que européen obtienne le ballon d'or. Auparavant, il fallait jouer dans un championnat européen et avoir une nationalité d'un pays d'Europe. Ouais. Les critères ont évolué et c'est vrai que ça a pu changer les choses forcément. On pense à Pelé, à plein d'autres qui auraient pu prétendre à des ballons d'or. Donc il y a des simulations que nous avons faites, qui ont été faites pour essayer d'imaginer qui aurait pu l'être si ça avait été ouvert à tout le monde. Rapidement, Emmanuel, je pense à deux joueurs qui ont porté le maillot de l'OM et que j'ai vu dans le palmarès, non pas à la première place mais à la deuxième place. Jeannot Tigana, enfant des Cayolles, et Cassina évidemment. 84, je crois, il finit deuxième, Jeannot Tigana. Oui, derrière Platini. Et puis Alain Giresse en 82. Alors ils avaient le maillot de Bordeaux, mais ils ont joué ensuite à l'OM. Et c'est vrai que ça fait partie de ceux qui ont été très très bien classés. Il y a eu aussi Alain Boksic en 93, mais c'était à moitié avec l'OM puisqu'il avait quitté Marseille pour partir à la Lazio. Et c'est ça. C'est vrai qu'à l'époque, le Ballon d'Or, c'était une année civile. C'était de janvier à décembre, alors que désormais, on est calqué sur les saisons de foot. Merci Emmanuel. France Football est avec nous. Je suis parti quelques instants du studio, justement, au plus près du Ballon d'Or, pendant que vous en parliez, messieurs, avec les petites familles qui nous rejoignent. Tiens, je vois une supportrice ici, hein, incroyable. Comment tu t'appelles ? Ambre. Oh là là, t'arrêtes pas de sourire depuis tout à l'heure. T'es contente d'être là ? Oui. Tu aimes le football, toi ? Oui, ça va. Grande fan. Tu sais que c'est le Ballon d'Or, dis donc ? Oui. Es-tu prête à l'acheter avec la famille ? Ben non, on le laisse pour Jean-Pierre Papin. Ah ben oui, voyons, on lui laisse parce que Jean-Pierre Papin aura peut-être une deuxième fois le ballon d'or. Voyons, on va pas lui subtiliser quand même. Voyons, c'est un vrai bonheur, j'imagine, d'être là, monsieur. Bien sûr que oui. Ça représente quoi pour vous ? Votre cœur qui bat fort, j'en suis sûr. Non, c'est une joie. C'est un plaisir de voir le ballon d'or en face de nous. C'est un rêve. Hein. Donc, du coup, vous faites selfie avec toute la famille ? Tout le temps. Qu'on soit à la commanderie ou ici, on essaye de voir un petit peu les monuments. Et c'est un monument pour nous, ça, le ballon d'or. Voilà, parole de Marseillais, de supporters de l'OM bien sûr, mais avant tout grand amateur de football. Merci beaucoup de votre venue. On se retrouve dans un instant, toujours autour de ce Ballon d'Or bien sûr. Il vous reste encore quelques minutes pour venir nous retrouver sur la pelouse du Stade de l'Or. Nous sommes en plein cœur de Marseille, on a créé cette émission spéciale pour vous et on salue toutes les familles qui viennent. Alors il y a les garçons, il y a les filles aussi. Tiens par exemple, tu t'appelles comment toi? Kiara. Dis donc, t'es déjà une footballeuse toi? Non. Tu fais quoi comme sport? L'athlétisme. De l'athlétisme, elle en tenue officielle. Il est bon de rappeler avec France Football qu'il y a le prix féminin également, le Ballon d'Or dédié au sport féminin. Hein. Et même cette année, on est passé de 20 à 30 nommés chez les femmes comme chez les garçons, ce qui montre les progrès du football féminin. Merci beaucoup Emmanuel, on se retrouve dans un instant. N'oubliez pas, si vous êtes fan aussi de l'Olympique de Marseille, le retour de notre 100% OM, ce sera entre 18h et 19h. France Bleu Provence, en direct de Marseille. Émission spéciale Ballon d'Or. J'ai commencé par Instagram, c'était cool, j'avais un très bon programme. Petit concert dans des bars vides, ma babysitter la première à me suivre. Ensuite tout a changé très vite, même mes amis ils ont changé. Tout est devenu plus simple, enfin surtout pour entrer dans les soirées. On connaît tous la pression, tu te sens comme la reine du monde, mais c'est qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai, tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou. Je trouve ça va pas durer, ou peut-être seulement quelques mois. Voilà, je commence déjà à angoisser. Crise après crise, j'arrive plus à être moi. On connaît tous la pression, tu te sens un peu seul. Le monde, c'est pas qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai, tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou. J'ai peur de perdre la tête en enfer, la suite on verra. Perdre la tête en enfer, j'ai peur de perdre tous mes repères. Tout est devenu flou. Sur France Bleu Provence, le retour de l'info dans un quart d'heure, le retour de notre Ballon d'Or. Jean-Pierre Papin au micro de France Bleu Provence, exclu avec Bruno Blanza à l'occasion de la venue du Ballon d'Or que nous présentons encore un gros quart d'heure avant le 100% OM ici en duplex depuis Marseille sur le Stade de l'Or. Tribune gagnée, vous voyez, on est juste là derrière le Vélodrome. Alors on se retrouve en direct dans un instant avec nos invités et l'interview donc du Ballon d'Or. Jean-Pierre Papin. France Bleu Provence, en direct de Marseille. Émission spéciale Ballon d'Or. Je vais t'aimer, la comédie musicale Phénomène, avec les plus grands succès de Michel Sardou, est au Casino de Paris à partir du 25 janvier et en tournée dans toute la France en 2024 avec France Bleu. Une histoire inédite entre Paris et New York à travers les époques et la bande-son de notre vie. France Bleu vous offre Je vais t'aimer. Écoutez France Bleu ou rendez-vous sur francebleu.fr. Je vais t'aimer. Vous savez déjà que vous allez chanter. Un spectacle France Bleu. Cette saison, Alexandre a gagné 72 minutes sur son trajet pour pouvoir crier encore plus au stade. Hé hey oh, je ne cuis pas, j'encourage. Tunnel Prado, 30 ans à vous faire gagner du temps. Et depuis le 7 octobre, gagnez encore plus de temps avec la nouvelle bretelle Schlossing. C'est gratuit. Profitez vite de nos offres d'abonnement exceptionnelles sur tunnelprado.com. Message de prévention de la ville de Marseille. Soyez prêts pour faire face aux risques naturels et technologiques. À l'occasion de la Journée nationale de la résilience, inscrivez-vous au système d'alerte de la ville de Marseille. Vous serez prévenu en cas d'événement majeur afin d'adopter les bons réflexes et être informé de la situation. Retrouvez toutes les informations sur l'inscription en ligne au système d'alerte sur marseille.fr. Chez Monabi, on n'est pas que des vendeurs de panneaux solaires. On sécurise votre énergie. Depuis 11 ans, Monabi vous accompagne dans votre vie de producteur et vous fait économiser jusqu'à 50% sur votre facture d'électricité. Comme nos 6000 clients, simulez gratuitement votre installation solaire sur monabi.fr. monabee.fr. France Bleu Provence. L'info trafic sur la 57 en direction de Toulon, ça ralentit toujours. De l'autre côté, en direction de Solliès-Pons, c'est le bouchon habituel. Par contre, l'info intéressante, c'est que ça roule bien sur la 50 quand on arrive sur Toulon, sauf si vous nous informez du contraire. Dans le golfe de Saint-Tropez en direction de Sainte-Maxime, petit ralentissement du soir. Sur la 8 pour traverser le département varois, rien à signaler. Sur la périphérie marseillaise, c'est la 50 qui coince, surtout à la hauteur de la Valentine, à l'eau et ce dans les deux sens, et surtout en direction d'Aubagne. Nous avons du monde sur toute l'autoroute nord également quand vous quittez Septem-les-Vallons, les Pennes-Mirabeau, plan de campagne également, ça ralentit en descendant sur Marseille. La D9 qui coince en arrivant sur la 51. Et du monde entre les Pennes-Mirabeau et Rognac également, alors je vous parle. Sur Arles, on salue tous les supporters aussi, les passionnés du football partout en Provence, sur Salon de Provence, sur le pourtour de l'étang d'Aubert, à Martigues aussi, grand club historique. Et bien ça roule à l'heure où je vous parle, on y revient dans quelques minutes sur l'info trafic. Journée événement. France Bleu Provence expose le Ballon d'Or. Avec Emmanuel Bougeant de France Football, Fred Chapuis de la rédaction de France Bleu Provence, Omar Kedadouche qui est en train de se chauffer pour le 100% OM dans un instant, passionné du Ballon d'Or également, et l'interview exclusive donc de Jean-Pierre Papin au micro de Bruno Blanza pour France Bleu Provence. Ça tombe bien, on ouvre le débat. Allez messieurs, dans un instant, attention, écoutez bien Jean-Pierre Papin qui nous donne son choix justement pour ce Ballon d'Or France Football 2023, le Ballon d'Or qui est juste devant nous, ici à Marseille, sur le Stade de l'Or, Jean-Pierre Papin et Bruno Blanza. On en parlait rapidement tout à l'heure. Vous pensez que les jeunes supporters de l'OM aujourd'hui le savent ou pas que vous avez été Ballon d'Or ? Oui, bien sûr, parce que d'abord parce qu'on en a parlé, parce que je pense que l'actualité et l'histoire du football, ils la connaissent aussi. Puis surtout maintenant, t'as des outils médias qui te permettent de revoir tout, de revoir 30 ans avant. Et y en a beaucoup qui viennent me chercher de graphes aujourd'hui, même des petits et tout petits. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est génial, ça. Ouais, c'est génial. Mais dans ce club-là, ça, c'est pas étonnant, en fait. Parce qu'il y a aussi la transmission entre supporters, les papis qui parlent aux petits-enfants, non, ou moi, les parents qui parlent aux enfants. Moi, voilà. Aujourd'hui, ce qui me tue, c'est que je croise très souvent des gens dans certains divers magasins, etc. C'est qu'ils me montrent des photos dans leur portefeuille où je suis avec eux. Eux, ils sont gamins, quoi. Alors ça te met une grande claque derrière les oreilles, ça oui. Ils sortent de leur portefeuille. Ils sortent de leur portefeuille, une vieille photo. Ah ouais. Ah mais c'est incroyable, incroyable. Et ça fait du bien par contre. Ça fait du bien de revoir ces photos. Parce que même quand tu vois la photo, tu te rappelles où c'était. Voilà, c'est comme ça. Il y en a avec le Ballon d'Or ou pas ? Non. Non, ils sont juste à côté de vous. Non, non, tout ça, voilà. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'était il y a 2 ans et demi, en août 2021. Ouais. Vous venez de le présenter 30 ans après, ce Ballon d'Or, au Vélodrome, avant un match entre l'OM et Bordeaux, peut-être. Ouais, Bordeaux, ouais. Là, c'était aussi émouvant. Et puis, ça a permis aussi, peut-être, à ceux qui ne le savaient pas, je ne sais pas s'il y en avait encore, de se dire, parce que là, quand on est papa, on est papy. On l'a vu. Et papin, C'était notre grand attaquant de l'époque. Tu ne peux pas imaginer combien ça revient de fois, ça. C'est énorme de le dire. Ça, c'est un moment aussi... J'aimerais tant qu'aujourd'hui, on dise, punaise, il y en a un autre qui vient d'arriver, il lui ressemble un maximum, et voilà, et ça va le faire encore. Voilà, c'est ça qui me... Voilà. Moi, si je devais laisser une trace aujourd'hui à l'OM, par rapport à celle que j'ai moi laissée sur le terrain, c'est que moi, je voulais trouver le même que moi et qu'il arrive à faire la même chose que moi. C'est possible, ça? Oui. C'est possible, bien sûr. Vous savez que depuis qu'il est arrivé, on parle souvent de Vitinha comme ça. Hein. Mais je le souhaite de tout cœur. Mais je le vois travailler. Dommage que les coachs permettent plus, par rapport aux charges de travail, de laisser faire les joueurs un petit peu ce qu'ils veulent après. Après l'entraînement, vous voulez dire? Parce que je pense qu'on fait ça un quart d'heure, 20 minutes tous les jours, ça te fait avancer, ça te fait progresser, ça te fait avoir confiance, ça fait plein de choses en fait. Parce que c'est vrai qu'on a un peu comparé des fois votre arrivée à l'OM un peu difficile au début, avant d'exploser avec Vitinha un peu comme ça. Justement, quand je vous parle des supporters, des papis ou des papas qui à l'époque venaient au stade et ils disent « Mais papa, au début ça a été difficile, le fameux « j'en peux plus » ou ainsi de suite. » Oui, bien sûr, ça a été difficile, mais on ne peut pas non plus avoir tout au départ quand on arrive. Il y a des choses qu'on doit acquérir au fur et à mesure de ses coéquipiers, de la vie dans laquelle tu joues, dans le club, dans les valeurs du club, etc. Il y en a qui se rappellent encore, quand on discute, c'est qu'ils venaient à l'entraînement à Lumini, et ces séances de reprise de vol, on les faisait avec les phares pour terminer, avec les phares des voitures. Mais là, il y en a un qui m'en parle, il me dit, putain, moi j'y étais, c'était pas encore terminé les volets, et on finissait avec les phares. Et ça, c'est juste incroyable, en fait. Le travail. C'est du travail, oui, mais avant toute chose, c'est que du plaisir. De te retrouver avec le gardien remplaçant du club, tu frappes, volée droite, volée gauche, des frappes. T'es tout seul, c'est pas du travail. C'est du plaisir. Jean-Pierre Papin, on parlait de Vitinha, par exemple, à l'instant, ou d'autres joueurs. Est-ce qu'il y a des joueurs de l'OM, je pense à cette saison, la saison dernière, peut-être des attaquants, des joueurs, quand vous êtes passé aussi à Lens, entraîneur, ou à Strasbourg, qui vous ont demandé de leur parler de ce Ballon d'Or? Non. C'est jamais arrivé, coach. Est-ce que je peux vous voir dans votre bureau? Non. Racontez-moi le Ballon d'Or, racontez-moi tout ça. J'ai mes joueurs de Chartres. Chartres m'ont demandé de le ramener un jour pour le voir, pour le toucher. Donc, National 2, votre ancien club, quatrième niveau national. Ouais. Et je leur avais apporté, ils étaient comme des ouf. Déjà, rien que de le voir, mais le toucher, faire les photos avec et tout, c'était... De temps en temps, ça fait du bien un petit peu de faire partager ce genre de choses. Ouais, justement, c'est pas un regret que des joueurs professionnels ne viennent pas vous voir. C'est peut-être par... pudeur, peut-être, je sais pas, par timidité aussi. Je sais pas. Ouais. Je sais pas, mais il est à disposition. S'il y en a qui veulent un jour, il y a pas de souci. Bon, le Ballon d'Or, après, peut-être que la recette de la papinade, vous l'avez déjà donnée, non? Vous savez, la recette, il y a pas spécialement de la recette. Je pense qu'il y a beaucoup de travail. Et à partir du moment où tu travailles beaucoup, il y a des choses qui arrivent toutes seules. La spontanéité, elle arrive toute seule. La volée, elle est facile. Le fin mot de l'histoire, c'est qu'en fait, sur tout mon travail, j'en ai tellement fait. C'est qu'à partir du moment où elle partait du pied de mon coéquipier, en fait, moi, je savais où je devais me trouver pour la voler. Donc, je savais que je devais anticiper sur le défenseur, je savais que je devais anticiper derrière, je savais que je coupe au premier. Le seul qui éventuellement pouvait me gêner, c'était le gardien, parce que le gardien a les mêmes repères que moi. Sauf que lui, en plus de ce qu'il a à gérer, il a à gérer ses défenseurs. Et à partir du moment où j'étais parti, c'était fini. Vous êtes en train de nous dire, Jean-Pierre Papin, que même les yeux fermés, le geste, il se faisait quoi? Tellement il était automatique presque, non? Non, les yeux fermés, tu peux pas. J'ai bien réfléchi, mais je fais ça, mais tu peux pas. Mais par contre, à partir du moment où, en fait, quand ça partait du pied, je savais la force, je savais comment le ballon il allait tourner, pas tourner, mais je savais où je me devais me trouver. Et là, ça faisait la grande différence. Parce qu'après, je me posais pas la question, je frappais. Aujourd'hui, l'évolution du Ballon d'Or par rapport à votre époque, vous disiez, c'était vraiment la récompense même collective ultime. Aujourd'hui, on a l'impression que par rapport au Ballon d'Or, le football, c'est devenu d'un sport collectif, quelque chose d'individuel un petit peu. Partagez-vous ce sentiment ou pas ? Moi, je reste sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, le Ballon d'Or, c'est un grand prix individuel, mais tu l'as pas si t'as pas le collectif. C'est que le collectif est tellement important à côté de toi, que tu peux pas dire, je suis Ballon d'Or tout seul. Vous le donnez à qui cette année, là? Haaland. Vous parliez de collectif, le collectif de Manchester City. Ouais, le collectif de Manchester City, je pense que si on respecte les critères d'aujourd'hui, il a tout gagné pratiquement. Il a marqué but sur but avec des records incroyables. Les critères ont évolué, Jean-Pierre Papin, depuis peu de temps. D'abord, performance individuelle et le caractère décisif est impressionnant. Donc pour Haaland, ça joue. Pour moi, numéro un. Après, performance collective, donc le palmarès. Numéro 2, je valide aussi. Voilà, ils ont quasiment tout gagné, sauf qu'il n'a pas gagné la Coupe du Monde avec la Norvège. Et il la gagnera jamais avec la Norvège. Ouais, voilà. Non, mais voilà, après. Et ensuite, la classe du joueur. Voilà, le talent et par exemple le fair play qui entretient en jeu. Mais je suis sûr qu'il a moins de talent que d'autres. Mais pour moi, les deux critères les plus importants, c'est les deux premiers. Après, moi, j'étais pas spécialement beau à voir jouer, etc. Mais on gagnait et je marquais des buts. Et je pense qu'il faut s'arrêter à ça. Si tu commences à dire, il est beau, il est gentil, il est ci, il est là. Ouais, ça rajoute des critères. Mais les critères essentiels du football, c'est je suis bon dans ce que je fais, je suis efficace et mon collectif gagne des titres. Pour moi, aujourd'hui, les deux principaux, c'est cela. Après, bien évidemment, tu peux en rajouter tant que tu veux. Jean-Pierre Papin, merci beaucoup. C'était vraiment sympa. Merci et voilà, je pense que tous les supporters de l'OM sont quand même fiers de vous avoir au club en tant que Ballon d'Or. J'espère. France Bleu Provence, France Bleu Provence, en direct du Stade de l'Or. Notre JPP, conseiller de Pablo Longoria, aujourd'hui, interview exclue, France Bleu Provence, voilà, il y a quelques heures, avec Bruno Blanza, Jean-Pierre Papin, qui nous a donné son choix, justement, pour ces Ballons d'Or France Football 2023, avant le 100% OM. Nous sommes, justement, avec le spécialiste du Ballon d'Or pour France Football, qui a créé ce titre suprême, Emmanuel Beaujean, avec Fred Chapuis. Ça vaut le coup, là, de pronostiquer un petit peu avant la cérémonie officielle à la fin du mois, d'autant puisque nous l'avons, le Ballon d'Or. Enfin, nous l'avons. Il est en train de partir. On nous a volé notre ballon. C'est Guy Berda, le régisseur de France Bleu Provence, qui part porte avec le Ballon d'Or. C'est énorme. Magnifique. Énorme. Magnifique. Et on ne sait pas qui va le remettre, justement, Guy Berda, ce Ballon d'Or. À qui va le remettre? Sur le choix, Laurent, il y a une question quand même à... Enfin, il faudrait préciser les choses. Vous savez, il y a beaucoup de fake news, hein, de fausses informations, comme on dit, sur les réseaux sociaux et d'une façon générale, un peu partout. La rumeur, je dis bien la rumeur, Emmanuel dit que... Le Ballon d'Or 2023 est déjà acté et que c'est Lionel Messi. Et vous répondez quoi à ça, à cette rumeur ? Je réponds que c'est difficile de donner un vainqueur quand les votes ne sont pas terminés. Voilà, c'est-à-dire qu'on vote toujours, c'est important de le préciser. On vote toujours donc. On vote toujours, plus pour très longtemps, mais on vote toujours. Et chaque année, il y a le lot de rumeurs, de contre-rumeurs, de contre-feux. Et c'est vrai que c'est alimenté aussi par les réseaux sociaux. Et tout le monde a envie de savoir, c'est normal, mais on le saura le 30 octobre. Parce qu'il y a eu beaucoup de Marseillaises, Marseillais. C'est important de préciser cette information, Laurent, parce que beaucoup de Marseillaises, Marseillais qu'on a rencontrés ici, y compris des enfants, surtout des enfants d'ailleurs, qui, on l'a entendu à votre micro ou au mien, bah, attention, on sait déjà, c'est Lionel Messi. Attendez, ne confondez pas tout, Fred. On a eu le pape François ici au stade Vélodrome. Maintenant, nous annonçons Messi dans le Ballon d'Or. Il ne faut pas tout confondre. Hein. Lionel Messi, l'Argentin. Vous savez, celui qui nous a un peu fait mal en finale de Coupe du Monde, malheureusement. Donc les jeux ne sont pas faits. Les jeux ne sont pas faits. Non, moi, tous les jours, j'ai des gens qui me disent, mais ça devrait être Messi. Ah, mais non, mais c'est un scandale si ce n'est pas Haaland. Enfin, le vrai poumon de Manchester City, c'est Kevin De Bruyne. Mais non, Messi, Messi. Mais voilà, et Mbappé a fait une meilleure Coupe du Monde que Messi. Donc, il y a tous les avis, il y a ceux qui préfèrent Rodri parce qu'il a marqué en finale, d'autres qui sont pour Vinicius. Après, si on est un peu honnête sur les critères dont parlait Jean-Pierre Papin, c'est-à-dire les critères précisément de sportifs, Haaland avec une soixantaine de buts et Mbappé pardon, avec pareil à un but près, meilleur buteur européen de la saison avec Haaland donc, et une finale de Coupe du Monde, trois buts en finale de Coupe du Monde, huit buts, meilleur buteur de la Coupe du Monde, objectivement on a l'impression que ça joue entre les deux. Ce qui est certain, c'est que Haaland, qui est le poulain de JPP et Mbappé, ont des atouts très sérieux. Quand on marque 56 et 54 buts sur l'ensemble de la saison 2022-2023, on est forcément favori et on postule à une place très haut dans le classement. Voilà, et donc réponse Emmanuel, le 30 octobre. Beaujean, merci beaucoup Fred Chapuis, Emmanuel Beaujean qui nous quitte. Il y a son taxi qui l'attend. Voilà, il y aura la cérémonie officielle dans la capitale française. Ici, depuis la capitale du foot, j'espère que vous avez passé beaucoup de plaisir. Mais il va falloir y aller. Bien accueilli. En petite foulée, rejoindre votre taxi et vous nous gardez précieusement ce Ballon d'Or, bien sûr, qui suit votre journée encore, qui est loin d'être terminée. Merci beaucoup, merci Emmanuel Beaujean. Merci. C'était un plaisir de vous accueillir. J'aperçois Viasouli au loin qui va nous rejoindre dans un instant au Marqué la Douche. L'équipe du 100% OM se met en place. Ça représente quoi pour toi au Marqué la Douche, ce Ballon d'Or? Là, on a essayé de pronostiquer un petit peu sur le vainqueur de cette édition 2023. Après Karim Benzema, ouais. Tu étais le premier à être content de ce Ballon d'Or dédié à Karim Benzema. Oui, parce que moi j'aime bien les récompenses au sommet. Ben, le Ballon d'Or, ça représente énormément. Je veux dire, c'est tous les joueurs qui l'ont eu. C'est vrai qu'on peut regretter des grands joueurs. Je pense à Franco Baresi, à Paolo Matteo Maldini, à ces grands joueurs qui ne l'ont pas eu et qui l'auraient mérité. Mitroglou. Ouais aussi. Eliott Brandin, Brandin aussi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des grands joueurs qui l'ont pas eu parce que bon, à l'époque, c'est Maradona, hein, déjà pour commencer, hein, qui est El Pibe de Oro, le gamin en or. Après, c'était pas le truc, mais on peut regretter que Zidane en a eu qu'un aussi. Je pense qu'il en aurait mérité au moins sans faire le Marseillais 6 ou 7. Facile, ben, c'est un joueur de légende. Hein. Voilà. Et puis, il y a une légende qui arrive là. Il y a une légende. Légende à Viasouli. Il en a vu des ballons d'or également. Merci beaucoup, Omar. On se retrouve dans un instant pour le 100% yes. OM. Il y aura des invites pour OM Lyon à gagner. Là, c'est une affiche évidemment qui fait rêver. Au Vélodrome, AEK Athènes juste avant. Le choc face à Nice pour le déplacement le week-end prochain. Après le ballon d'or, le 100% OM sur France Bleu Provence. On reste sur la planète du football en duplex depuis Marseille. France Bleu présente la comédie musicale incontournable Le Roi Lion. Applaudi par plus de 850 000 spectateurs, toutes générations confondues, la troupe du Roi Lion revient pour une troisième année sur la scène du Théâtre Mogador. Un spectacle grandiose. Le Roi Lion, uniquement au Théâtre Mogador à Paris. Avec France Bleu. MMA, business entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. MMA. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. La nostalgie. C'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé La Nostalvie. À ne pas confondre avec la nostalgie. La Nostalvie, c'est rose et jaune comme le soleil. C'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La Nostalvie de Patrick Sébastien. Un récit à savourer. Un livre XO. Désormais, les 7 km de l'élargissement de la 57 sont en travaux dans tous les secteurs. Ce chantier nécessite une adaptation particulière en raison de son emplacement en milieu hyperurbain. L'avancée est visible depuis plusieurs mois et permet de mieux cerner le nouvel aménagement autoroutier qui se dessine un peu plus chaque jour. Toutes les équipes de Vinci Autoroutes restent pleinement engagées et vous remercient pour votre compréhension. Suivez l'actualité du chantier sur a57-toulon.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Provence. Il est 18h. La circu avec du monde sur la métropole toulonnaise, essentiellement sur la 57 et ce dans les deux sens, tout comme sur la 50 tout proche de Marseille, sur l'autoroute Nord à la sortie de plan de campagne en direction de Marseille, entre les Pennes Mirabeau et Vitrolles, sur Aix dans l'ensemble, ça roule ainsi que dans toutes les Bouches-du-Rhône. On va jeter un petit coup d'œil avec beaucoup d'attention sur la météo qui va changer cette nuit avec l'arrivée de ces nuages qui seront quand même assez menaçants. On notera un vent assez fort qui souffle en ce moment même autour des 55 km/h, qui ne vont pas forcément chasser les nuages. Ils seront porteurs de quelques rares averses demain matin et seront un petit peu plus menaçants en cours de journée dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi dans le Var. On y revient dans un instant. À Marseille, il fera 21 degrés. Sur Aix-en-Provence, 20 degrés. Et sur Toulon, 21 degrés pour demain, jeudi. Le journal de France Bleu Provence, avant le 100% OM, Juliette Piron. Bonsoir Juliette. Bonsoir Laurent. Et on débute par l'actualité économique de ce mercredi. Vous ne verrez plus bientôt d'avion Air France à Marignane. Oui, la compagnie annonce supprimer 6 de ses lignes pour 2026, dont la ligne Paris-Orly-Marseille. Bonsoir Lionel Royer-Perrault. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal d'opposition à la mairie de Marseille et vous condamnez cette suppression. Pourquoi est-ce que ça vous déplaît ? Bah d'abord, c'est sur la forme, sur la façon dont les choses sont annoncées, de façon très abrupte, sans qu'il y ait de concertation avec les acteurs politiques, avec les acteurs économiques. Et une décision de cette nature aura nécessairement des impacts, car nous avons besoin d'en comprendre d'abord le sens, premièrement, et deuxièmement, les retours que cela peut avoir en termes de fréquentation, de rotation sur Marseille-Paris et l'impact que cela peut avoir sur la vie économique de notre territoire. Enfin, nous sommes la deuxième métropole, la deuxième ville de France. Je trouve quand même que de la part d'Air France, c'est très cavalier. Alors, je précise quand même que ça ne veut pas dire qu'il sera totalement impossible de faire Paris-Marseille en avion, parce que Transavia, la branche low-cost de la compagnie Air France, va prendre le relais. Mais vous, vous n'êtes pas convaincu, vous avez peur que l'offre soit dégradée, c'est ça ? Bah moi, j'ai surtout besoin de garanties à ce stade. Et c'est vrai que nous ne sommes absolument pas convaincus, et Transavia d'ailleurs ne s'est pas exprimé pour savoir quelles seraient les propositions alternatives qu'elle pourrait apporter avec suite au départ donc d'Air France. Et nous avons quand même aussi des attentes fortes exprimées par le monde économique qui est nature, me semble-t-il, à soutenir l'activité économique de notre territoire qui est en pleine expansion, est en plein développement. Et donc, je crois que surtout, nous avons besoin de garanties. Après, c'est quand même assez choquant que la société de transport à capital quasi, enfin en majoritaire d'État, puisse comme ça se retirer d'une ligne aussi structurante. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en ma qualité de député, j'ai échangé d'ailleurs ce matin avec Clément Beaune, le ministre des Transports, pour que il nous apporte un certain nombre de garanties et que l'État veille bien à ce que les rotations sur Marseille ne soient pas dégradées. Et une dernière question, Lionel Royer-Perrault. En fait, on sait que sur ces lignes régionales, Air France a vu une baisse de fréquentation de 30% depuis le Covid. Sachant qu'en train, on peut faire Paris-Marseille en 3 heures de centre à centre, et que c'est plus écologique, est-ce que c'est pas aussi une décision qui va dans le bon sens ? Écoutez, il faut les deux. Enfin, de toute façon, moi qui fais Marseille-Paris toutes les semaines, je prends uniquement le train, donc je vous dirai pas le contraire. Si pour celles et ceux qui peuvent et qui veulent utiliser le train, ça peut être un encouragement à le faire. Après, vous avez d'autres personnes qui utilisent d'autres modes de transport. Je crois qu'il faut pas trop quand même mélanger les débats. Là, en l'occurrence, c'est une décision qui n'a strictement rien à voir avec un comportement écologique. C'est une décision purement économique qui s'applique de façon brutale, sans concertation avec les acteurs politiques et économiques locaux. Merci. Donc voilà, après, vous voyez, je descends à l'instant du train pour répondre à votre interview, et le train, c'est aussi très bien, surtout quand c'est à l'heure. Merci Lionel Royer-Perrault, vous êtes donc élu d'opposition à la mairie de Marseille. Vous condamnez cette suppression de ligne Paris-Marseille par Air France. C'est aussi le cas de tous les vols de la compagnie depuis Paris-Orly, à l'exception de la liaison vers la Corse. Les aéroports perturbés justement aujourd'hui à cause de fausses menaces à la bombe, notamment ceux de Toulouse et de Bordeaux. Le château de Versailles a aussi fermé ses portes quelques heures aujourd'hui pour une fausse alerte. Après le meurtre de Dominique Bernard à Arras la semaine dernière et le contexte actuel à Gaza, la France est en alerte attentat maximale. Chez nous, deux manifestations pro-palestiniennes interdites par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. L'une à Istres, l'autre à Marseille, qui était prévue en ce moment même sur le Vieux-Port. Jour de colère dans le monde arabo-musulman. Après la frappe sur un hôpital à Gaza qui a fait plus de 500 morts, des milliers de manifestants à Amman, en Jordanie, à Tunis, capitale tunisienne, ou à Beyrouth, au Liban. La Turquie, elle, déclare 3 jours de deuil national. L'Algérie suspend tous ses matchs de football. Israël et le groupe terroriste islamiste du Hamas s'accusent réciproquement d'être responsables de ce drame. Et on l'apprend cet après-midi, l'État israélien autorise l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza par l'Égypte après 11 jours de siège. Ce soir, dernier hommage à Richard Martin. Cette figure du théâtre marseillais est décédée avant-hier. Alors quel meilleur endroit pour lui dire adieu que la scène de son théâtre dans le quartier Saint-Mauron, le théâtre Tourski. Son cercueil était exposé toute la journée, Laurent Grollet, et de nombreux Marseillais sont venus lui dire au revoir. Des fleurs, un olivier en pot et le cercueil ouvert de Richard Martin sur la scène d'un théâtre qui l'a nourri de sa passion depuis plus de 50 ans. Il aimait ce lieu, il aimait les artistes, il aimait le monde. Le poing levé, le verbe haut. Nicole est venue de la Valentine. On lui a amené un rameau d'olivier. Pour rendre hommage à celui qui lui a tant apporté. Venir régulièrement au théâtre, c'était me ressourcer, trouver de l'humain, de la joie, la création. Mohamed lui vient dire au revoir à son ami Richard Martin et lui rend hommage avec quelques mots d'un poème de Katabiasi. Il faut crier, hurler plus fort que les loups. Ceux qui veulent disparaître peuvent baisser le ton. Pour nous, il nous reste à gueuler avec patience. Tard s'est tenu de longues minutes devant le cercueil de Richard Martin. Monsieur Richard Martin. Qui va tant manquer à Marseille. Tout ce qu'il y a maintenant, c'est des rigolos. Ils sortent de l'école de ci et de là, des fils à papa, des fils à maman. Voilà, il n'y a pas le cœur, il n'y a pas l'humaniste. Richard Martin, éternel frondeur, inlassable combattant, en janvier dernier, c'était sa quatrième et dernière grève de la faim pour le théâtre à qui il a tout donné. Chacun va proposer sa façon de se battre au service des saltimbanques du monde. Saltimbanque, voilà comment Richard Martin préférait se qualifier plutôt qu'artiste ou homme de théâtre. Et vous avez jusqu'à ce soir pour lui dire adieu au Théâtre Tourski à Saint-Mauron à Marseille. Retour sur la météo, effectivement, dans notre région. Merci beaucoup, Juliette Piron, pour vous dire que ce sera un ciel bien nuageux annoncé ce soir, avec des averses qui peuvent se produire dès la soirée. En seconde partie de nuit, le risque sera bel et bien toujours présent parmi nous, sur toute la Provence. On notera un vent de sud-est assez fort, des Alpes au golfe de Fos, avec des rafales autour des 55 km/h en début de nuit. Et puis pour demain, jeudi, les nuages présents au lever du jour et porteurs de quelques rares averses vont devenir un petit peu plus menaçants, surtout en cours de matinée. Des orages vont même se généraliser pour l'après-midi. Le temps de l'automne a sonné depuis cette semaine partout en Provence. Ciel menaçant aussi pour le Var avec un vent assez fort également, rafale autour de 85 km/h. Les températures à Marseille, 21 degrés pour les grandes agglomérations, à Aix, 20 degrés et sur Toulon, 21 degrés. La météo 100% locale avec la grotte Cosquer à Marseille, la grotte préhistorique sous la mer. Découvrez tous ses secrets sur grotte-cosquer.com. Le trafic à présent, pour vous rappeler si vous nous retrouvez qu'il y a toujours des difficultés sur la 57 en direction de la métropole toulonnaise et de l'autre côté en direction de Solliès-Pont. Sur la 50 entre Marseille et Aubagne, vous serez ralenti essentiellement jusqu'à la sortie de la Valentine à l'eau dans les deux sens. Ailleurs ça roule d'ailleurs. Sur l'autoroute nord en descendant sur Marseille, on observe là aussi un ralentissement. Sur plan de campagne également, où ça ralentit fortement, ainsi que sur la D9 qui bouge bien ce soir quand on arrive sur Aix-en-Provence sur la 51. Pour être très complet, en direction de Rognac depuis Vitrolles, ça ralentit également en arrivant sur le tunnel des 13 vents quand vous descendez depuis Vitrolles. De Saint-en-Provence à Arles et sur le pourtour de l'étang de Berre, ça roule. 100% bohème. 100% bohème. 18h-19h. 18h-19h. Sur France Bleu Provence. Salut les Olympiens et bienvenue sur France Bleu Provence. Comme tous les jours, ravi de vous retrouver après quelques jours de repos. Bien titulaire ce soir avec toute l'équipe du 100% OM que je vais vous présenter. Et une journée toute particulière que nous venons de vivre avec le Ballon d'Or. On y revient dans un instant. Nous sommes en direct, là, sur la pelouse du 100% OM, délocalisé dans le stade de l'Or. J'aperçois notre magnifique stade Vélodrome ici, sur mon côté droit par exemple. Les tribunes, les sections de l'athlétisme qui s'entraînent par exemple ici, sur cette magnifique pelouse du stade de l'Or. C'est un stade, je trouve, méconnu et qui est absolument magnifique ici à Marseille. Il y a de la jeunesse, il y a de la joie. Avant de vous présenter notre plateau ce soir, tiens, on salue des jeunes athlètes qui sont parmi nous. Il paraît-il des supportrices de l'OM. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Jana. Et toi? Et moi, Andrea. On est très heureux de vous retrouver sur France Bleu Provence. Alors, vous faites quoi comme spécialité de sport là? De l'athlétisme. Très bien. Et on est aussi, avant tout, marseillaise. Eh oui. Donc supportrice de l'OM. Et voilà, tu as un petit joueur préféré? Klos. Et toi? Vitinha. Il a brillé, Klos. Tu l'as regardé aussi avec l'équipe de France? Oui. C'est ton joueur préféré. Tu as un petit mot à dire à tous les auditeurs qui t'écoutent, là, la famille, sur France Bleu Provence? Allez l'OM. Allez l'OM. Et un petit peu plus de vie là. Allez un petit peu plus fort. Allez l'OM. Le 100% OM, c'est parti jusqu'à 19h. Tout de suite, la présentation de nos invités. 100% OM, 100% OM. Sur France Bleu Provence, Laurent Menel. Avec à mes côtés, notre chroniqueur phocéen Omar Keladouche. Salut Omar. Salut mon Lolo, quel plaisir d'être là au stade de l'Or. Tu te rends compte que je venais voir l'OM de Cantona à l'époque. Cantona, il m'avait envoyé balader, j'avais demandé un autographe. Il était là. Et aujourd'hui, je suis là. Et ouais. Avec toi et avec une légende là, Avia Souli. Et ouais, moi je me souviens ici, voilà, tout proche du Vélodrome. C'est ça. Voilà, celui qui discutait avec tous les supporters avant de rentrer dans le feu de l'action, justement, notre commentateur de l'OM qui aura bercé tant de générations également, et sur notre antenne en plus France Bleu Provence, et qui ne pouvait pas manquer l'événement aujourd'hui. Avia Souli, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Omar. Bonjour mon Avi. Ça fait drôle hein, de le voir calme, apaisé. Ah oui, ça. Oui. Bon, l'heure de la retraite a sonné, mais il est encore plus actif depuis qu'il a la retraite. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Mais il faut s'arrêter, c'est mourir. Je salue un autre supporter olympien qui est ici. Salut Thierry. Bonsoir à tous. Thierry est venu pour le Ballon d'Or. Aujourd'hui, on rappelle pour celles et ceux qui nous ont rejoints, toute la journée, il y a eu une multitude d'animations sportives dans tous les registres, dans toutes les disciplines, pour tout le public venu nombreux de tout Marseille, pour venir quoi ? Se faire photographier ici avec le Ballon d'Or qui vient de nous quitter, le vrai Ballon d'Or qui était présenté là, pour la première ville étape, quelque part, de sa tournée. Il n'y en aura que trois. D'ailleurs, en France, c'est des clubs de légende, permettez-moi de le dire. Saint-Étienne et Lens, messieurs. Hein. Et Marseille, donc, première ville étape de ce Ballon d'Or. On notera à la fin du mois. Tu as dit club de légende, on notera l'absence du Paris Saint-Germain. J'ai parlé des clubs de légende. Oui, voilà. Laurent, tu as dit ça, la première, c'était à Marseille, parce que c'est toujours. C'est à jamais. C'était présenté avec France Football, que nous remercions infiniment. Ils nous écoutent encore dans le taxi avec le Ballon d'Or à leur côté. Tu l'as souvent vu, le Ballon d'Or, toi, oui, Ville, hein. Mais avec Papin. Ouais. Avec Papin, qui était notre invité, on le rappelle. Ah ben, tu vois, voilà. J'ai même touché le ballon et il a fait le tour de Marseille. Exclu, magnifique interview de Jean-Pierre Papin. Ah oui. Voilà, moi vraiment Laurent, quand tu as pu le voir, il y a tous les gamins de mon club et des quartiers marseillais qui sont venus et je trouve vraiment l'initiative vraiment superbe parce que moi je leur ai dit allez-y. Là parce c'est que ouvert à tous les Marseillais. Ça a été ouvert, c'est gratuit, il y avait des activités gratuites. Moi, j'ai envoyé tous les gamins du club et du quartier. Je leur ai dit, les minots, allez-y, profitez. C'est pas tout le temps le Ballon d'Or que vous allez le voir. L'OM, vous avez l'occasion d'y aller. Mais le Ballon d'Or, c'est pas tout le temps. Un souvenir à vie. À vie. Vous savez de quoi vous parlez, voilà, à vie. J'ai pas fait exprès. Et donc, Laurent, je trouve ça exceptionnel. Donc, bravo France Bleu Provence. Et vraiment, bravo à la ville de Marseille et à la Joe Sport Sébastien Girouel. Parce que c'était accessible à tous. Ce genre d'événement, on va pas se mentir. C'est souvent des fois réservé à des élites, à des gens. Dans des cercles fermés. Voilà. Et là, c'était ouvert à tous. Tout le monde a pu. J'ai même des faire des le parents, selfie avec des le bénévoles. Et c'est franchement bravo. Ça ressemble à Marseille. C'est populaire. Là, tu vois, mon téléphone, il est enfumé. J'ai tous les parents, éducateurs qui m'envoient les photos. Ils sont super contents. Donc, vraiment bravo d'avoir fait cette initiative. Tout ceci était sécurisé. Hein, c'est le vrai Ballon d'Or. Ça représente quand même un certain prix, vous imaginez. Et puis, en même temps, c'était une belle première, avant-première aujourd'hui avec France Bleu Provence également. Thierry y était également, grand amateur de football de l'Olympique de Marseille. C'est un événement qui se rate pas, ça, quand on aime le foot. Hein. Ah ben le Ballon d'Or à Marseille, c'est quand même pas tous les jours, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc pour une ville comme Marseille, recevoir la récompense la plus prestigieuse pour un footballeur, c'est quelque chose auquel on peut pas déroger et il fallait impérativement que je sois là. Et moi j'ai une petite anecdote concernant le Ballon d'Or. J'ai eu la chance de voir le Ballon d'Or aussi, pas qu'en France, mais en Italie, avec notre champion du monde qui a évolué avec Zinedine Zidane. J'ai vu le Ballon d'Or de Ronaldo lors d'un match entre l'Inter de Milan et la Juventus à San Siro, au stadio Giuseppe Meazza, lorsque Ronaldo, le Brésilien, a remporté la célèbre récompense. Ouais. Messi qui est passé devant Ronaldo depuis, hein, et qui pourrait inscrire, on ne sait pas encore, hein, on nous a bien dit que les jeux n'étaient pas encore finis, un 8e Ballon d'Or, ce qui serait énorme, on le saura à la fin du mois, mais ce sera dans la capitale parisienne. Mais tu vois Laurent, je pense que ça aurait été bien que ça soit les joueurs, voire les entraîneurs qui votent, parce que les journalistes, je remets pas... Et comme pas... a dit Jean-Pierre Papin, surtout les supporters. Aussi, mais les journalistes... Exclus France Bleu Provence, c'est pas impossible dans les années à venir que les règlements, le règlement change. C'est mieux parce pour la nomination. Je remets pas en cause l'honnêteté des journalistes ni la déontologie, mais simplement on va te prendre avec quelque chose qui ne nous concerne pas directement. Un Brésilien, on sait la relation qui entre la rivalité entre les Brésiliens et les Argentins. Peut-être qu'un journaliste brésilien ne votera pas pour un Argentin. Juste, voilà. Et quelque part, ça manque d'objectivité. Tandis pour l'Eurovision, c'est ce que tu veux dire. Le football. Oui. Le football. Oui. Voilà. Non, je parlais du championnat, de la chanson, de la variété. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Je te parle du Ballon d'Or. Mais je sais. Ah. Mais non, mais c'est pareil. C'est tous les pays qui votent et on a tendance à voter pour son propre artiste. Ah, pardon. C'est ce que je voulais dire. Ah, je crois que tu me faisais. Voilà. Je vous faisais une blague à la Lolo. Mais non, c'était très sérieux. Voilà. Donc, en fait, c'est footballistiquement, quelqu'un qui s'entend pas, par exemple, on sait que dans le football, je parle, les Hollandais, les Allemands, c'est pas des grands amis. Donc, peut-être qu'ils vont pas voter l'un et l'autre. Et puis, ça manque de... Ça s'équilibre. Ça s'équilibre avec les journalistes. C'est la sagesse d'Avi Assouli qui dit ça, et c'est pas faux. Après, Omar, ça s'équilibre. Non, mais il n'y a pas mieux que les joueurs. Il n'y a pas mieux que les joueurs, Avi, tu es d'accord ? Bien sûr. D'être élu par ses pairs, c'est encore mieux. Bien sûr. Mais par contre, d'intégrer les supporters, enfin, le public, Ça, c'est pas mal. Ça peut être, ouais, ça peut être intégrer une bonne le public, c'est pas mal. C'était la page du Ballon d'Or. Pour terminer là-dessus, puisqu'il nous a quitté le Ballon d'Or avec cet événement France Bleu Provence en duplex ici depuis le Stade de l'Or, vous faites un petit pronostic ou pas? Pour le Ballon d'Or? Oui. Je sais que ça va être Messi, mais moi je l'aurais donné à Haaland. Je sais, on nous a annoncé que c'était pas encore sûr. Ouais, c'est sûr. Il y a de fortes probabilités. On rappelle que c'est sur la saison dernière. Attention. Ils veulent faire durer le suspense. Voilà. Mais on me dit que le melon d'or, c'est pour Kylian Mbappé. Oh, ça va. La pastèque d'or. Thierry, un petit un coco. Ben, moi, en tant que grand supporter des Citizens, j'aimerais que ce soit le cyborg norvégien Erling Haaland qui le remporte. Mais bon, voilà, on croise les doigts et on souhaite de tout cœur que ce soit Haaland qui remporte ce trophée cette année. Et la justesse d'avis. Ouais, mais si c'est pas Haaland, lui, il est jeune, ça sera pour l'année prochaine. Ça serait bien de dire au revoir à Messi qui est allé aux États-Unis et qui applaudit. Et il est formidable. Il a mis un coup franc dernièrement. Ah oui, c'est une légende. C'est énorme. C'est une il, légende. En a, donc, bon, il en a eu sept. J'avais une petit coup de cœur. Là, c'était pour quand même Mbappé, notre Français. Mais bon, tu vois, on verra l'année prochaine. Il arrivera deuxième, troisième. Il sera sur le podium. De toute façon, dans le futur, ça va être Mbappé, Haaland et quelqu'un qui va émerger, évidemment. Voilà. Alors, on parlera quand même un petit peu de l'histoire du Ballon d'Or. Ça vous permettra aussi d'écouter notre historien maison, Tonton Fernand, qui Salut, excuse-moi Laurent, salut Cristiano Ronaldo qui a encore bien triplé à 39 ans avec le Portugal. Il est où et qui a qualifié le Portugal. Salut, il est où? Il vend les kebabs là-bas. Ah, salut Cristiano. En beau tissu abdominal. Franchement, force formidable. À CR7 parce que c'est le joueur légendaire. C'est historique. Ouais, c'est beau ce qu'il a fait. On reviendra un petit peu sur l'histoire parce qu'il y a plein de liens avec Marseille. Vous l'entendrez une nouvelle fois dans un instant sur France Bleu Provence. Et aussi la mi-temps qui sera accordée quand même à l'Olympique de Marseille, hein, on peut le dire, après la trêve. Ça y est, on repart aux affaires sérieuses. Vous nous ferez partager votre avis de supporters et de connaisseurs dans un instant. Le trafic de retour tous les quarts d'heure sur France Bleu Provence pour vous dire qu'il y a du monde sur la 57 en direction de Marseille. Ça ne change pas de l'autre côté quand vous quittez Marseille. La descente sur l'autoroute Nord, ça peine un peu depuis les Pennes Mirabeau, depuis Plan de Campagne aussi, où ça ralentit fortement, ainsi que quand vous quittez la Rocade L2, qui dans l'ensemble roule très bien, et que vous vous engagez sur l'autoroute Nord. En arrivant sur Aix, c'est la D9 qui coince sur quelques kilomètres. Sur Aix dans l'ensemble, partout ailleurs, ça roule. Voilà ce qu'on peut dire sur les principaux ralentissements. Sur Toulon, c'est toujours la 57 en direction de Toulon qui coince bien ce soir. Petit ralentissement aussi en direction de Solliès-Pont, patience. L'infotrafic 100% local avec le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Le département vous aide à financer la rénovation énergétique de votre logement. Rendez-vous sur département13.fr. France Bleu Provence. France Bleu Provence, 18h20, on s'écoute Magic System et on se retrouve dans un instant dans l'ambiance phocéenne et du Ballon d'Or. À tout de suite. Qu'est-ce que tu veux manger, oh? Sa mère me cite, oh. Elle me dit, tu les prends, oh.